couple, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Ben dites-le plutôt clairement. Disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement, dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 7, épisode 38. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Si vous souhaitez nous écrire, faites-le à notre adresse email, à l'adresse suivante, dempart@dnmx.org, dempart@dnmx.org. dnmx.org est un service d'email qui fonctionne sur Tor, et comme vous le savez, vous pouvez accéder à Tor de deux façons, soit en téléchargeant le navigateur Tor, gratuit sur Internet, hein. Google, vous tapez Tor, T-O-R, et vous avez le navigateur en libre accès, c'est comme n'importe quel navigateur, sauf que vous pouvez accéder justement à des sites qui sont exclusivement sur le réseau Tor. Ou alors, plus simplement, vous utilisez un navigateur qui est Tor compatible, comme Brave, B-R-A-V-E, Brave, hein. Et là, en fait, c'est tout en un. C'est-à-dire que vous pouvez naviguer normal comme un navigateur de base ou ouvrir une fenêtre Tor dans le navigateur en un clic. Et vous n'avez juste qu'à entrer l'adresse du site que vous voulez consulter sur Tor. Alors nous-mêmes, à Démocratie Participative, nous avons une adresse fixe sur Tor, incensurable. Donc ça s'appelle un oignon. Une adresse Tor s'appelle un oignon. Donc vous pouvez constamment nous consulter via ce moyen, et donc après il n'y a plus de question de où nous retrouver si jamais le nom de domaine saute ou quoi. Et vous n'avez pas besoin d'acheter de VPN par ailleurs, d'accord? Et c'est vrai aussi pour DNMX, qui fonctionne uniquement sur Tor, donc c'est l'avantage. Si vous souhaitez adopter cette messagerie, je vous y invite. Actuellement, l'adresse en clair, hein, donc en France, c'est dempart.homes, donc dempart, D-E-M-P-A-R-T, point H-O-M, ES. Bon, alors, ça dure le temps que ça dure, la censure est quand même très rapide, donc les noms de domaine ont une durée de vie très courte. Bon, bah c'est comme ça, donc le prochain, on verra ce que ça sera. J'ai des petites idées taquines en tête, on verra bien. Par ailleurs, le forum, toujours accessible, hein, eelb.su, vous êtes invité à y participer, à vous inscrire. Certaines personnes se sont inscrites. Nous allons procéder à l'activation d'un certain nombre de comptes de personnes qui ont demandé à s'inscrire, parce que ça ne, comment dirais-je, si vous vous inscrivez sur le forum avec le service DNMX, le filtre anti-spam considère que c'est du spam. Donc il faut nous demander par notre adresse email à activer votre compte manuellement, ça sera fait. Ça peut prendre un peu de temps quand même, parce que c'est vrai qu'on est assez occupé, mais on va le faire prochainement, et donc regardez si vos comptes n'ont pas été activés entre-temps, voilà. Ça peut être intéressant. Alors maintenant, je vais procéder à la présentation des membres de la semaine. Je vais commencer avec Nogaret. Salut Nogaret, j'espère que tu vas bien. Autant que faire se peut, disons, hein, puisque ça perdure, hein, ton petit froid, là. Salut Gandalf, salut à tous les auditeurs. Effectivement, toujours un petit peu malade, c'est les travaux champêtres, hein, ça laisse pas trop le temps de se reposer, mais bon, on fait aller. Voilà, un homme dur du Nord, ouais, ça, c'est bien. Est aussi avec nous cette semaine, bien sûr, Hydromel. Salut Hydromel, j'espère que tu vas bien. Salut Gandalf, salut à tous, ça va. J'espère que vous aussi et que les auditeurs vont passer un bon moment en notre compagnie durant cette émission. Le fait marquant de la semaine, de mon côté, c'est l'hymne national, l'hymne des femmes chanté à l'Assemblée nationale. C'est le fait marquant de la semaine. Oui, on va y revenir. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, tout à fait. Et enfin, est aussi avec nous cette semaine Jean Bureau. Salut Jean. Salut Gandalf, ça gaz cette semaine, je dirais même ça bricolage et ça gazouillage. Alors, mes amis, je vous propose de remercier nos donateurs. Vous savez que si vous souhaitez soutenir Démocratie Participative, c'est en don, exclusivement en crypto-monnaie, plus spécialement Monero. Crypto-monnaie intégralement chiffrée, de A à Z, ça garantit votre anonymat, ainsi que à l'anonymat du montant des dons qui sont faits, donc pas de traces, très utile quand même en ces temps de censure de plus en plus forte. Donc on remercie les donateurs qui ne se manifestent pas, qui font le choix de ne pas nous écrire pour nous signifier un don, c'est votre liberté, on le respecte, on voit quand même les dons qui viennent et grâce à vous on peut continuer, donc merci à vous chers donateurs. Et puis il y a ceux qui décident de nous écrire pour qu'on les remercie de vive voix, et c'est bien normal, et c'est toujours avec plaisir. Donc le don numéro 1, c'est Mélas Autocrator, que je ne présente plus. Salut à toi Mélas. Alors, salutations à toute l'équipe. J'ai une pensée pour Vincent, Renoir bien sûr, dans ces moments difficiles. Bonne continuation. Alors je vais revenir un petit peu sur Vincent, après avoir fait le tour des dons. Don numéro 2, n'étant pas en mesure de payer la facture énergétique cet hiver, je compte sur les articles de Démocratie Participative pour me tenir au chaud. Je vous envoie mon soutien de 3 Monero. C'était courant novembre, bien sûr. Et c'est le maître nageur de la piscine d'Auschwitz qui nous envoie ça. Pas premier don de la part du maître nageur. Merci à toi, maître nageur. En fait, c'était Fusion qui nous avait envoyé son petit message. J'avais demandé à ce qu'il clarifie parce que ça nous avait un peu échappé. Merci pour ce don généreux hein, de maître nageur. Alors, on va essayer de faire chauffer les fours, hein, cher maître nageur, pour chauffer les pizzas, puis pour réchauffer un peu l'ambiance aussi, parce que c'est vrai que l'hiver peut être rude. Pour l'instant, il est très doux. Mais bon, on verra bien. Hein. Merci à toi, maître nageur. Don numéro 3, salut les jeunes démocrates, bravo pour votre travail tellement fondamental et méritant pour l'éveil des jeunes générations et la sauvegarde de notre race contre l'hydre hideuse. Je vous renvoie un nouveau Monero après celui du 23-11, donc du 23 novembre, à moins que je me trompe, mais je crois que oui, c'est ça, 23 novembre, donc il va falloir regarder ça de plus près. Merci de me confirmer leur réception. Et c'est Papy Francis, le boomer qui travaille toujours. Alors, merci Papy Francis. Un boomer qui arrive à nous écouter sans avoir les oreilles qui saignent. Ah, c'est... c'est bien. Merci Francis pour ton soutien. Généreux. Vérification sera faite des dons. Si, par hasard, des vérifications de dons n'ont pas été faites, relancez-nous, n'hésitez pas. D'accord, parce qu'on a un flot d'emails, donc certains passent à travers, c'est pas forcément évident. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à relancer. Don numéro 4, bonjour Gandalf, je vous ai refait un virement de 0,08 Monero. Ça m'a pris un peu de temps, mais je commence à comprendre le principe de la crypto. J'ai appris l'incarcération de Vincent, une mauvaise nouvelle. J'espère pour lui qu'il ne sera pas extradé. L'emprise des Youpins est insupportable, ainsi que celle de leur larbin. Remerciements aux autres intervenants. Et c'est signé Alpineur. Oui, Alpineur qui nous avait fait un don récemment et qu'on avait remercié en ligne. Merci à toi, Alpineur. Merci à vous tous qui nous soutenez. Alors, pour Vincent, je vais m'arrêter sur la situation de Vincent. Alors, pour autant que je sache, actuellement, au niveau purement judiciaire, je n'ai pas d'écho supplémentaire, mais je vais m'enquérir de nouvelles incessamment sous peu. Je suis en contact avec des personnes en Angleterre qui sont directement en contact aussi avec le lieu de détention de Vincent, puisqu'il est à Édimbourg, comme vous le savez. Donc on essaye de... Il y a une question d'identification du numéro de cellule de Vincent. En réalité, en Grande-Bretagne, il n'y a pas de numéro de cellule, ce qu'on appelle en France un numéro d'écrou. Donc c'est le numéro du prisonnier en fait. Donc on essaye de clarifier tout ça pour être absolument sûr que les courriers parviennent à Vincent. En attendant, Vous pouvez soutenir Vincent par financièrement, c'est possible aussi, hein, par son site internet. L'équipe de Vincent continue à gérer son site. Donc c'est blog, blogue-sc.com, blog-sc.com. Donc vous trouvez un onglet pour envoyer des cryptos, ou il y a même une adresse postale, je crois, mais il y en aura une nouvelle prochainement. Enfin, de toute façon, si vous voulez soutenir financièrement Vincent, c'est par le site de Vincent que cela passe. Son équipe est toujours opérationnelle, donc ne vous posez pas de questions. Si vous envoyez des dons via son site, il va bien les recevoir, d'accord ? Ce n'est pas Vincent qui gère personnellement le site au plan des dons, hein. Donc son équipe continue à travailler, il n'y a pas de souci. Donc soutenez-le de cette façon, bien entendu. Donc je tiendrai informé nos auditeurs quant aux détails pour le contacter, c'est-à-dire pour être vraiment sûr que c'est bien le numéro de prisonnier qu'on avait donné lors de la première émission. En tout cas, c'est celui qu'on nous avait fait parvenir, donc je pense qu'il est correct, mais en Grande-Bretagne, quand ils ont essayé d'entrer en contact, ça a bugué, parce qu'apparemment, en Grande-Bretagne, on peut, par Internet, on peut en fait envoyer des messages à un détenu. En fait, ils ont un système informatisé par Internet qui permet de contacter les détenus, d'envoyer en fait un courrier à un détenu de cette façon. Une espèce de boîte email en quelque sorte, et quand ils ont entré le numéro que nous possédons, ça n'a pas fonctionné. Alors on essaie de clarifier ça, voilà. Donc c'est une taille un peu technique. Bon, du côté judiciaire, de toute façon, la prochaine date, c'est courant décembre, c'est dans la première moitié de décembre, donc on va voir comment ça va se passer. C'est une première comparution, et de toute façon, le procès sur l'extradition aura lieu courant février, hein. Donc mais ça va venir quand même assez vite, l'air de rien. Donc vous serez tenu au courant, et évidemment on pense à Vincent qui pour le moment est isolé dans sa cellule à Édimbourg dans cette bataille judiciaire contre ceux qu'on a décrits la dernière fois dans l'émission, hein, c'est-à-dire les acteurs que vous connaissez bien, à la fois en Grande-Bretagne et en France, puisque c'est une cabale internationale qui s'est mise en mouvement contre Vincent, hein. Donc, je note aussi d'ailleurs cette semaine, ça vaut la peine d'être souligné, dans Charlie Hebdo, un article particulièrement virulent, fiez-le, contre Vincent Renoir, signé Jean-Yves Camus, spécialiste autoproclamé de l'extrême droite, hein, ou parfois convoqué dans les médias français. Et alors, l'originalité de Jean-Yves Camus, c'est de porter la kippa chez lui. Ce qui est évidemment une qualité qu'il ne met pas en avant quand il passe dans les médias français. Et alors, il est traité dans cet article de Charlie Hebdo, donc Vincent est traité de crapule fasciste, c'est dans le registre ordurier complet, et de raté. Il dit que Vincent Renoir est un raté au plan personnel, quoi, ce qui est quand même assez caractéristique. Alors d'habitude, Jean-Yves Camus, quand il prend la parole, il essaie d'être assez pondéré, et là la virulence et la haine qui perçait dans cet article dénotaient du ton habituellement utilisé par Camus, ce qui montre bien la nature angoissée de la communauté dont nous parlons, à savoir la juiverie, hein. Donc, Mais tu connais le bon mot d'Adolf Hitler sur le fait que quand tu ouvres le journal le matin, si tu n'es pas vilipendé par les juifs, c'est que tu as perdu ta journée de la veille. Donc Vincent passe d'excellentes journées en prison actuellement, visiblement. C'est très juste, c'est très très juste. Alors les petits gars, on poursuit donc avec notre première rubrique, si vous le voulez bien. Guerre raciale. Alors, ça n'appelle pas vraiment une longue théorie, mais ça traduit quand même une évolution du climat en France, sur lequel on ne peut pas tellement faire l'impasse. C'est un peu défrayé la chronique cette semaine. Enfin, je sais même pas, en fait. Je sais même pas. Pendant une demi-journée, peut-être. Alors là, je cite un article de RMC. Isabelle, prénom d'emprunt, est encore traumatisée par le choc qu'elle a subi. mais elle vient de déposer une plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui après avoir été victime d'un viol alors qu'elle avait été admise aux urgences de l'hôpital Cochin. Ces faits que révèle RMC, le Parisien, remonte à la nuit du 27 au 28 octobre dernier. Après avoir passé la soirée dans un bar en bord de Seine, cette femme de 34 ans est victime d'un malaise. Devant l'établissement, elle tombe et sa tête heurte le sol, inerte. Souffrant d'un traumatisme crânien, la jeune femme est secourue par les pompiers qui la conduisent à l'hôpital Cochin, où elle est admise dans un box individuel. Ok. Alors qu'elle se trouve dans les vapes, selon son récit, elle est soudainement réveillée par la douleur que lui inflige un homme qui est en train de la violer. Selon les informations recueillies par RMC, ses cris font alors fuir l'agresseur qui parvient à quitter l'hôpital, emportant avec lui la carte bancaire de sa victime. Aussitôt, le personnel soignant prévient la police. Grâce au signalement du suspect, les policiers de la BAC du 14e arrondissement de Paris le repèrent et l'arrêtent une heure plus tard, alors qu'il venait de faire des achats dans une épicerie avec la carte de paiement de la jeune femme. L'enquête révèle que le suspect aurait repéré Isabelle dès son malaise devant le bar. D'après ses témoins, cet homme rôdait autour de la jeune femme à terre en la regardant avec insistance comme, je cite, « un mort de faim ». Témoignera devant les policiers le patron de l'établissement qui avait demandé à l'un de ses agents de sécurité d'éloigner cet homme. Or, une heure plus tard, c'est au même endroit que le suspect simule un coma éthylique du cinéma, selon un témoin. Rappelé sur place, les pompiers le prennent en charge et le conduisent également à l'hôpital Cochin. Prétextant être incapable de marcher, il est emmené en fauteuil roulant par une infirmière jusqu'à une chambre dans le même couloir qu'Isabelle. Dès l'infirmière partie, le suspect quitte sa chambre et va de box en box avant d'être intercepté par une soignante qui le raccompagne à sa chambre. Mais quelques minutes plus tard, il sort à nouveau et rejoint le box où se trouvait la victime, comme le prouvent les enregistrements des caméras de surveillance de l'hôpital, un comportement qui laisse supposer aux enquêteurs un geste prémédité de cet homme. Placé en garde à vue, le suspect a nié les accusations de viol. Il est tout de même mis en examen et placé en détention provisoire. Et les tests pratiqués sur lui en garde à vue ont révélé qu'il n'était pas sous l'emprise de l'alcool, mais qu'il était positif au cannabis et à la cocaïne. Jamais condamné par la justice, cet homme sans papier affirme être jordanien et avoir 22 ans. Il est déjà connu de la police sous 13 identités différentes après avoir été arrêté plusieurs fois pour vol, recel, usage de drogue, selon les informations recueillies par RMC. Il a également été suspecté de viol sur mineurs en Seine-et-Marne en 2020, mais l'affaire a finalement été classée sans suite, a indiqué RMC, le procureur de Meaux. Arrivé en France également, illégalement en 2019 selon ses déclarations, ce jeune homme a déjà fait l'objet de 3 ordonnances de quitter le territoire français, OQTF, dont la dernière remonte au mois de juillet dernier, les 2 autres en 2019 et 2021. Ces 3 OQTF ont été délivrées sous des identités différentes, ce qui explique sans doute pourquoi elles n'ont débouché sur l'expulsion du suspect. D'accord, donc il... méditez là-dessus, hein, c'est-à-dire qu'en fait... Oui, oui. Ouais, voilà. Bon. Depuis le mois de septembre dernier, il avait déposé une demande d'asile, ce qui suspendait sa possible expulsion. Isabelle vient donc de porter plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Elle estime que l'hôpital Cochin n'a pas pris toutes les mesures pour assurer sa sécurité alors qu'elle était inconsciente sur son lit. Personne n'imagine qu'on puisse commettre des faits aussi graves dans un établissement public. C'est inimaginable, déclare à RMC son avocate... Maître Laura Abécassis. Abécassis qui est un non-juif, si vous ne le saviez pas. Cette plainte sert à vérifier s'il y a eu un manquement de l'établissement ou du personnel pour assurer la sécurité des patients, et notamment de ma cliente, ajoute-t-elle, sollicitée par RMC, l'assistance publique, hôpital de Paris, APHP, confirme simplement qu'une patiente a été agressée aux urgences de l'hôpital Cochin, mais ne commente pas une enquête en cours. Voilà, voilà. Donc évidemment, hein, voilà, on ne peut pas... commenter longuement là-dessus, parce que d'abord, pas de récupération, hein, c'est un fait divers, et ensuite, bon, il y en a tellement, je veux dire, ça se normalise, mais quand même, on arrive dans une zone un peu bizarre, où en fait, les hôpitaux qui sont censés vous aider, vous sauver même la vie parfois, deviennent des endroits, en fait, où tout peut devenir pire, en fait. Et c'est le, comment dirais-je, c'est la dissonance cognitive, là, qui suscite un petit peu l'interrogation collective, hein, et l'émoi chez certaines personnes, en se disant, ah merde, même à l'hôpital, hein, où je suis quand même censé être en sécurité, ça craint même plus que si je restais dehors, peut-être. Je dis bien peut-être. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça, de cette de ce fait divers inexplicable et sans pratiquement aucun lien avec l'immigration. Je vais commencer. Moi, tout ce que me fait dire ça, parce que tu l'as très bien dit, c'est pas la première fois qu'on voit ce genre d'événements sordides arriver. Moi, la chose que j'aurais à dire, c'est d'abord, ne soyez jamais seul. C'est-à-dire que, femme ou homme, lorsque vous sortez, essayez toujours d'avoir quelqu'un avec vous, quelqu'un de confiance, parce que voilà, on vit dans un monde de plus en plus pourri, ça on le voit, merci l'immigration, etc. C'est à mettre en porte-à-faux avec la connerie des féministes qui viennent dire oui, les hommes ci, les hommes ça, ils nous agressent, etc. Eh bien, il y a un moment, il faut s'en conformer au réel. Si tu veux pas être volé, eh bien, tu fermes ta porte. Eh bien, si tu ne veux pas qu'il t'arrive des choses comme ça, tu prévois, tu fais attention. Et je remarque à cet effet, d'ailleurs, quelque chose d'assez intéressant, c'est que la plainte qui était émise est faite contre l'hôpital. L'hôpital qui aurait pas assuré la sécurité, etc. Alors oui, peut-être l'hôpital a ses torts là-dedans, mais déjà, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait dans cette situation? Et voilà, il faut pousser un petit peu la question, quel est le vrai problème derrière tout ça? Est-ce que c'est pas le fait qu'on ait une immigration de gens complètement tarés et qui ne comprennent pas notre culture et qui ne veulent pas la comprendre? Peut-être le vrai problème est plutôt à chercher ici, mais voilà, c'est pas là où je pense que nos maîtres Laura, Abbé et Cassie s'orienteront. Ben moi, je me pose une question. Elle a eu un malaise, mais son malaise, c'est quoi? Est-ce que c'est pas les conséquences de sa prise de vaccin? Alors, j'en sais rien, je connais pas la réponse, mais en fait, c'est-à-dire que ces gens, cette femme, ou peut-être pas, mais donc se soumettent aux injonctions, se délectent de l'arrivage massif de migrants, et puis bon, ben il arrive des situations extrêmes comme celle-ci, peut-être, hein, parce que je connais pas le fond de la raison de son malaise. Donc elle cumule tout en une seule fois, et donc un malaise. Elle arrive dans un hôpital et donc c'est l'enrichissement de ces arrivages massifs de migrants depuis ces décennies. Alors moi, je me pose une question. Alors quand est-ce que, mis à part le collectif Némésis, quand est-ce que les femmes blanches dans les chaumières vont prendre conscience de ce qui se passe? On le voit aussi avec l'histoire de l'IVG. Donc là, on arrive à des niveaux stratosphériques de volonté d'extinction. Donc moi, j'aimerais qu'il y ait un réveil de ce côté-là. Jean, peut-être? Ces hôpitaux, finalement, je me dis, le monde entier nous envie notre système de santé, et je comprends pourquoi. Moi, j'ai un truc à dire. Alors, il y a plusieurs choses qui ont été pointées du doigt par Nogaret qui me paraissent pertinentes. D'abord, qu'est-ce que fait cette femme seule dans un bistrot à Savinay, parce que c'est ça en fait, ils disent elle a fait un malaise. Bon, ça c'est la formule diplomatique pour dire qu'elle était complètement rincée en fait, la poule quoi. Elle était complètement beurrée, elle a bu trop de mousseux, elle est sortie parce que voilà, elle est tombée et elle s'est cassée le crâne sur le trottoir. Bon, voilà la vraie histoire. Et comme t'es à Paris ou dans une grande ville française et même maintenant dans une ville française, tu as des créatures du tiers-monde, généralement de pays musulmans, qui voient des cailles blanches en train de faire n'importe quoi, seul, ok. Et il suffit juste d'être patient, et elles vont se retrouver à un moment ou à un autre seules dans une rue. Et là, les mecs, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, c'est ça la réalité, c'est ça que personne ne dit, et il y a deux torts là-dedans. C'est-à-dire que, évidemment, les hommes blancs, quand ils voient une nana qui est bourrée, sauf exception rare, ils vont pas abuser de la gonzesse, enfin, surtout dans une rue, enfin, vous imaginez bien. Bon, je dis pas qu'il n'y a pas de blancs qui violent jamais personne, ça arrive. Mais bon, c'est quand même pas... voilà, c'est le premier réflexe, c'est plutôt, la nana, elle a pas l'air bien, là, on va appeler une ambulance, on va voir ce qui va se passer. Non, le premier réflexe d'un nègre ou d'un bougnoul qui vient de l'autre bout du monde, il voit une nana en jupe qui est pétée, il dit « Putain, je vais lui enlever son slip et je vais la violer. » Point barre. D'accord ? Et sous cocaïne. Oui, sous tout ce que tu veux. Hein. Les mecs sont de toute façon complètement défoncés, c'est des dealers. De toute façon, ils arrivent, ils viennent dealer, hein. C'est ça leur truc. Donc c'est vraiment des parasites. Et alors, ça pose la question. C'est-à-dire que là, au bout d'un moment, les femmes blanches, elles doivent se dire « Attendez, mais je vis dans un zoo, là, maintenant. » Alors, elles peuvent faire ce qu'elles veulent en essayant de faire semblant de ne pas comprendre ce qui se passe, en disant « Ouais, non, les viols... » Alors, parce qu'il y a ce discours féministe-là qui vient du haut, ça vient pas tellement du bas, ça vient du haut, hein, c'est vertical. Il y a des injonctions comme ça, médiatiques, qui viennent, où on leur dit « Voilà, la culture du viol, le patriarcat... » Sous-entendu, c'est l'homme blanc qui viole, hein. Bon, ok. Et les gonzesses sont censées avoir tous les droits. Puis en fait, en pratique, au quotidien, tu te rends compte que elles ne peuvent pas faire un mètre dans la rue, dans des villes multiraciales françaises, parce que y a des crevards de tous les coins du globe qui sont là en train de les guetter, qui n'ont qu'une envie, c'est de les violer. Donc, en plein jour, ça va encore, voilà, mais dès que la nuit approche, ça devient craignos. Et elles font semblant de ne pas comprendre que c'est à cause du fait de l'immigration massive. Et le débat est dévié par les médias. Mais quand même, le patriarcat. Oui, c'est... Oui, la France de 1950 était ultra patriarcale. Bon. Est-ce que les gonzesses se faisaient violer au coin des rues? Non. Voilà. Donc, faut arrêter avec ces débats à la con. C'est des débats de gauchistes, de femelles vaginocrates complètement cons. Là, je voyais à Nantes l'autre taré, là. Comment elle s'appelle celle-là encore? Johanna Roland. Donc après son magnifique, sa série noire là, des dernières semaines, où il y a carrément des gonzesses qui se font violer par des Soudanais dans ses rues, elle a fait un numéro contre les luttes, contre les violences faites aux femmes, machin. À aucun moment, elle parle de l'immigration, hein. On se comprend bien. Hein. Tout ça, si vous voulez, ça me rappelle un peu, c'est les exercices cléricaux de l'Ancien Régime. C'est des invocations rituelles, mais en fait, qui ne sont pas censés avoir de traduction pratique dans la réalité quotidienne. Vous voyez, c'est des invocations, quoi. Voilà, on fait des processions, on fait des trucs. Voilà. Mais concrètement, c'est pas censé changer la vie des gens au quotidien, quoi. Et c'est la même chose. Donc, elles font des incantations, hein, ouais, donc entre rombières bourgeoises de gauche, bien établies. Alors, elles font des trucs, hein, voilà. Donc, ils louent les grandes salles, il y a les médias qui sont convoqués, ça bavarde. Bon, c'est des filles quand même. Voilà, donc c'est la basse-cour, hein, voilà. Puis dès qu'on sort la basse-cour, hop, t'as des hyènes qui viennent d'Afrique qui les croquent. Et tu demandes aux autres poules, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé là, la poule, elle s'est fait croquer, hein, le fascisme, voilà, tu vois, ouais, c'est ça. Alors, bon, ça va durer le temps que ça va durer, mais au bout d'un moment quand même, parce que bon, l'instinct de survie existe malgré tout, il va y avoir un recalibrage qui va s'imposer aux femmes blanches. Hein. Je veux dire, elles vont, que ça leur plaise ou pas, elles vont devoir faire ce qu'a dit Nogaret. C'est-à-dire, bon, je passer 8 heures, je sors pas seul. Alors, sur le campus de Nantes, par exemple, c'est déjà en cours. Je présume qu'il n'y a pas que le campus de Nantes, mais il y a déjà des groupes de nanas qui s'organisent, et pas que de nanas d'ailleurs, pour aller d'un point A à un point B. C'est-à-dire qu'il est déjà, il rentre dans les mœurs, et ça c'est terrifiant, je veux dire. C'est-à-dire qu'il rentre dans les mœurs aujourd'hui sur le territoire l'idée que les gonzesses sont des proies en permanence, d'accord. Et en fait, il n'y a pas de protestation. Elles s'organisent. Et si vous demandez aux nanas qui sont en train de faire ça, donc faire des groupes... par les réseaux sociaux pour voilà, je vais d'un point A à un point B, quelqu'un va m'accompagner et tout. Si vous leur demandez pourquoi vous faites ça, elles vont pas vous dire putain, mais c'est parce qu'il y a trop de nègres et d'arabes, on va se faire violer. Elles vont même pas être capables d'articuler ça en mots. Elles vont pas pouvoir vous dire bah ouais, c'est parce que quand même ici, des fois c'est un peu crayon. Ouais, mais qui c'est crayon, c'est à cause de qui? C'est qui d'où vient la menace? Vous pouvez l'identifier? Ça a un nom? Vous voyez, là ça bloque quoi, voilà. Si c'est les racistes qui rejettent les immigrés, les gentils immigrés qui viennent travailler, c'est ça la raison. Non, mais c'est marrant les verrous mentaux qu'on a mis dans la population, et notamment dans les jeunes populations. Et les femmes blanches là, elles sont échec et mat, parce que si elles disent d'où vient le danger, c'est l'anathème, l'excommunication, la mort sociale, ce sont des racistes. Et si elles font semblant de pas comprendre, elles sont violées. Donc là, tu vois, c'est la tension du moment, quoi. Mais c'est très réel, quoi. Alors, le truc qui est intéressant avec l'histoire du viol à Cochin, c'est qu'on voit que l'État est battu. C'est fini. C'est trop tard. C'est ça, la réalité. C'est-à-dire qu'ils ont démantelé les frontières, ils ont fait venir des millions de ces oiseaux-là, ces oiseaux migrateurs, il y en a des millions qui continuent à arriver, ok. Il n'y a aucune espèce d'intention de juguler cette invasion, parce qu'au bout d'un moment, il faut... Je veux dire, moi, je pose la question, au bout de combien de millions, c'est une invasion? Je veux dire, à partir de combien de millions, on passe de l'immigration à l'invasion? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ils reconnaîtront que les autochtones ont disparu quand il n'en restera plus. Oui, certes. Enfin, voilà, donc, en fait, les hyènes sont partout, ils sont dans les hostos, et je voyais, il y a une autre affaire, là, ça concerne des personnes âgées, une personne de 60, c'était à Nanterre, une dame de 78 ans, une autre de 68 ans, et une gamine de 12 ans, qui ont été violées par un migrant congolais, les deux femmes âgées dans les enceintes, dans un centre hospitalier, si je ne m'abuse, ou en tout cas médicalisé, et la gamine sur son retour à la maison. Donc, ils sont partout, ok? Ils sont partout, et voilà. Et l'État, il peut plus suivre. C'est impossible. Il y en a trop. On peut pas mettre un flic derrière chaque gonzesse. Donc, c'est réglé. Ils les ont fait rentrer, ils ont aucune envie de les chasser. Voilà, donc maintenant, c'est la chasse, quoi. C'est la chasse principalement à la caille blanche. Mais pas que non plus, hein, parce que bon, les gars, ils prennent à peu près tout ce qui passe, hein, je veux dire. Donc, quand il y a des endroits où il n'y a même pas de blanc, en fait, ou de blanche, ils attrapent la première caille qui passe, hein, ils s'en foutent, hein, beurrette ou pas, ils sautent dessus. Hein. Donc voilà, c'est la réalité maintenant. C'est la réalité. C'est normal, c'est un retour à l'ordre naturel des choses. Hein. De toute façon, quand l'Empire romain s'est effondré, il faisait pas bon non plus de se déplacer d'un point A à un point B. Il y avait des brigands, il y avait des meutes organisées pour piller les gens. Bah là, c'est pareil, il y a un démantèlement de la civilisation. Donc, on retourne sur des architectures, des systèmes traditionnels où ben il faut qu'il y ait des hommes forts pour protéger une femme, par exemple. Donc cette femme qui a 34 ans, qui est allée se beurrer dans un bar, elle aurait mieux fait de se trouver un homme à 27-28 ans et d'avoir des enfants. Oui. Peut-être qu'elle en serait pas là, elle serait pas avec un traumatisme crânien, violée par un Jordanien dans un hôpital à 4h du matin. Bon, et c'est le retour du réel qui vient inexorablement. C'est des cycles, hein, quand on oublie les tendances naturelles, le réel revient à nous d'une manière ou d'une autre. Donc ces bonnes femmes, ces féministes qui croient qu'on va vivre sans des hommes forts et qu'elles peuvent sortir en jupe la nuit, non, c'est fini ça. Et ouais. Comme vous l'avez dit, je dis simplement ça, mais comme vous l'avez dit, ça c'est en fait dans les mœurs, on voit ce changement qui s'amorce, et là où il se concrétisera, c'est quand la justice changera, puisque aujourd'hui on a une justice qui ne punit pas non plus ces personnes. On le voit, 3 OQTF, etc. Puis d'ailleurs, qu'est-ce qui risque, à part peut-être quelques mois de prison ferme et puis une obligation de quitter le territoire, une nouvelle. Voilà, il y aura rien de plus. Et de l'autre côté, les gens normaux, on va dire, ils font face à une justice qui leur met toujours plus de répression, notamment sur la question des femmes, où si votre femme vous quitte, elle est dans une position plus avantageuse que vous, et là je pense qu'il y aura un rééquilibrage qui se fera aussi à ce niveau, c'est-à-dire la protection contre l'obéissance, qui est une des choses les plus basiques dans le développement de l'humanité. Cette femme a été 2 fois beurrée. J'ai le droit. Je me souviens qu'à l'époque, à l'époque de 2014, de la guerre en Syrie, il y avait du trafic de captagon qui avait été intercepté dans des aéroports qui devait arriver en France. Je me dis que si ces trafics se réitèrent et que via les imams, qu'il y a une guerre raciale qui se fait au sein des Africains de l'islam et qu'ils sont sous Captagon, parce que là il était sous cocaïne, ça peut donner des scènes de boucherie, hein, ça, parce que c'est, les drogues rendent malades les gens, ça va être pas beau à voir en fait. Ouais, les gens. Donc, c'est... Oui. Bah, quand tu vois le spécimen de base en Syrie. On ne sait pas d'où il vient. Il a dit qu'il était jordanien, mais ça se trouve. On sait pas. Pff, voilà. Il peut venir d'Égypte ou de Tunisie, mais c'est impossible de savoir. Le mec, ça fait déjà la troisième fausse identité qu'il a donnée. 13 Okay, 13, bon. 13 fausses identités. 13 fausses identités, mais, ah bah, mais 3 OQTF. Voilà, 3 OQTF, ok. Bon, bah, l'État est totalement impuissant, puisque de toute façon, il se donne pas les moyens, c'est toujours le même constat. Bah déjà, elle est dirigée par des femmes et des juifs, donc à mon avis, c'est mal engagé, si tu veux. Déjà, faut mettre les choses... Oui, c'est dirigé par des gens qui ont intérêt à le voir détruit, à détruire cette société, donc effectivement, oui, ils arrivent à leurs objectifs, ça fonctionne très bien, bravo. Oui, voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, les gens disent, mais je comprends pas, l'État dysfonctionne. Non, ce qui se produit est le but recherché, hein, voilà, et c'est douloureux, hein, c'est douloureux. Alors, dans la foulée de ça, messieurs, je voulais vous soumettre cette campagne très courageuse initiée par le président Emmanuel Macron et son gouvernement, dirigé par Elisabeth Bornstein, qui, faut-il le rappeler, n'est pas catholique. Alors j'ai été très intéressé par ça parce que on dira non mais ouais, on connaît hein, bon, les fascistes, les néo-nazis, l'extrême droite, ils disent que voilà le gouvernement français ne fait rien contre l'insécurité. Et c'est vrai que c'est une tendance lourde à l'extrême droite d'exagérer démesurément hein, le sentiment d'insécurité, car c'est un sentiment, hein, c'est un sentiment gonflé par les réseaux sociaux comme vous le savez tous. Moi je m'informe avec Jean-Michel Apathy, donc je suis quelqu'un je suis au courant. Et alors, du coup, je vais vous donner un exemple concret de mesures prises par le gouvernement français pour juguler le crime. D'accord ? Voilà. On va battre en brèche les idées reçues véhiculées par l'extrême droite et les complotistes. Alors, ça, c'est le média L'Essor, hein, qui est proche de la gendarmerie nationale française, et qui nous dit ceci. Près de 6 millions d'armes à feu et d'armes blanches sont détenues illégalement en France, selon le ministère de l'Intérieur, donc de M. Darmanin, hein, qui lance ce vendredi 25 novembre 2022, et pour une semaine, donc durant une semaine, hein, une grande collecte pour récupérer ces armes ou les enregistrer. Les détenteurs de ces armes disposent d'une semaine jusqu'au vendredi 2 décembre 2022 pour déposer dans quelques 300 sites, commissariats, brigades de gendarmerie, etc., en métropole et outre-mer, leurs armes non déclarées. Celles-ci vont des fusils de chasse aux pistolets, revolvers et autres sabres ou poignards, souvent oubliés ou hérités, qui sont conservés dans un grenier ou dans une cave. 5000 agents de l'État, policiers, gendarmes, agents des préfectures, les recueilleront avant qu'elles ne soient neutralisées et ou détruites. Le ministère de l'Intérieur estime que cette grande opération de régularisation constitue un enjeu d'ordre public. Cette semaine de collecte, selon le ministère, vise à éviter les accidents domestiques et les vols chez les particuliers, 8000 par an, ou l'utilisation de ces armes lors des conflits de voisinage, hein, et des violences intrafamiliales. Un tiers des féminicides en 2021 ont été commis avec des armes à feu. Alors un tiers des féminicides, bon, on parle de 120 rombières qui sont tuées par an en France dans un pays qui compte officiellement 60 millions d'habitants, donc autant vous dire que l'histoire des féminicides, ça n'existe pas, hein, c'est une bulle médiatique. Hein. Donc un service de ramassage est organisé, notamment en région parisienne, pour éviter que des personnes prennent les transports publics avec un fusil de chasse ou une arme de poing pour les déposer. 7 millions d'armes sont détenues légalement en France par les chasseurs, tireurs sportifs, collectionneurs, biathlètes. Les personnes qui désirent conserver chez eux une arme peuvent les enregistrer grâce au nouveau système d'information sur les armes mis en place depuis près de 10 mois, le 8 février 2022. Alors messieurs, là on a fait peur, je pense, à Pépé Mémé. Tonton, tout ça, voilà. Et, comme ça, vous cachez les armes dans votre grenier. Qu'est-ce que vous préparez, monsieur? Allez, vous avez une semaine pour vous mettre en règle avant qu'on commence à taper dur. Est-ce que cette annonce par Monsieur Darmanin, hein, pourfendeur de supporters anglais et autres, dénonciateurs de récupérateurs de l'extrême droite. Qu'est-ce que vous avez à dire de son initiative pour récupérer les armes non déclarées, nous dit-on, arc-poignard ou baïonnette hérité de 14, je ne sais pas. Quelque chose à dire là-dessus? Ah oui, oui, oui. Moi, j'y vois un mélange de deux choses qui sont symptomatiques de notre gouvernement. À la fois la peur et une sorte d'incompétence et de fainéantise. C'est-à-dire que ils ont peur du peuple, donc ils veulent le désarmer. D'ailleurs, là-dessus, je serais catégorique. Si vous refusez à un peuple le droit de s'armer, c'est que vous êtes contre lui. Hein. Pour moi, il n'y a pas d'autre vision. Pour moi, le peuple a le droit de s'armer. Il doit pouvoir avoir des armes chez lui au cas où que le gouvernement devienne tyrannique, si, comme on le sait, n'arrive pas souvent, mais bon, au cas où. Donc ça, c'est le côté peur. Et le côté, incompétence, fainéantise, etc., c'est que bah, il demande aux gens de bien gentiment vouloir se déclarer. Il pourrait mener des actions un peu plus coercitives, essayer de mener quelques enquêtes, mais ils n'ont ni les moyens humains, ni les moyens financiers, ni sûrement intellectuels pour mener ça. Donc voilà, ils demandent gentiment à ce que le bon peuple français, parce qu'on se doute bien qu'il y en a certains dans leur banlieue qui viendront pas donner leurs armes, le bon peuple français apporte gentiment ses armes au gentil gouvernement qui les traitera toujours bien, on le sait. Quelqu'un d'autre là-dessus, sur cette campagne de désarmement? Oui, oui, j'ai un truc à dire. Je me souviens, dans les années 2000, suite aux guerres dans les Balkans, Sarajevo, ce genre de choses, j'avais eu écho qu'il y avait des arrivages d'armes assez lourdes et que bon, les trafiquants, etc., en acquéraient. Et il était plus ou moins connu de notoriété publique que dans les sous-sols de caves de cités, plus ou moins partout dans toute la France, c'était engorgé d'armes. Mais alors que fait Darmanin contre ces armes qui ont été stockées et accumulées pendant toutes ces années? Pourquoi est-ce qu'il s'occupe de petites carabines 22 longs griffes de chasseurs ou... Ça, c'est des phénomènes connus. C'est-à-dire que la Yougoslavie était un État unifié et soudainement, il s'est effondré. Donc, ce que effectivement, t'évoques les guerres des Balkans, mais en gros, donc la Yougoslavie était un État qui intégrait la Croatie actuelle, la Bosnie, l'Albanie, la Macédoine, la Serbie, etc. Et non, pas l'Albanie, je raconte n'importe quoi, mais une partie de l'Albanie qui était le Kosovo. Et alors, soudain, l'État s'écroule. Et ce qui se passe immédiatement, c'est que les gens qui ont l'accès aux arsenaux militaires se mettent à vendre les armes, en fait. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc tout d'un coup, ces armes ont commencé à circuler et à atteindre l'Europe de l'Ouest par les réseaux criminels. Et là, ce qu'on voit est avec la Syrie, alors les armes qui étaient présentes en Syrie n'ont pas vraiment circulé en Europe, enfin pas en grande quantité. En revanche, ceux qui les manipulaient un peu plus. Mais là, il y a quelque chose qui est en train de se passer avec l'Ukraine qui est extrêmement dangereux. Hein. Je veux dire, là, les quantités d'armes qui sont acheminées en Ukraine sont absolument phénoménales. Je crois que les gens n'ont pas conscience du volume d'armes qui est acheminé en Ukraine. C'est des dizaines de milliards de dollars qui sont votés par le gouvernement américain en livraison d'armes. Alors évidemment, il y a des rétrocommissions, etc. Mais quand même, et c'est ça qui est dangereux, c'est-à-dire que en fait, les armes qui sont officiellement vendues, elles sont vendues deux fois. Elles sont vendues sur le papier à destination de l'armée ukrainienne et d'un commun accord entre les officiers corrompus de l'armée des États-Unis, les politiciens américains, les politiciens ukrainiens et tous les intermédiaires. En fait, les armes réelles n'arrivent pas sur le champ de bataille. Enfin, une partie arrive, ce qui est absolument nécessaire, je veux dire, pour que l'armée ukrainienne atteigne les objectifs que le Pentagone lui assigne. Mais je veux dire, il y a toute une partie qui fait partie du mécanisme de corruption générale. Et ces armes sont détournées, elles sont vendues au marché noir. Et d'ailleurs, c'est l'affaire FTX, hein, en fait. En gros, FTX, on vend les armes au marché noir. l'argent est converti en crypto grâce à FTX, qui ensuite envoie les dons direction le Parti démocrate aux États-Unis sous forme de soutien lors des élections, quoi. C'est ça le truc, hein, ni plus ni moins, hein. Et le problème, c'est que ces armes sont vendues au marché noir et ça arrive un peu partout. Donc là, je voyais récemment, il y avait donc les javelins, c'est connu ça. C'est les armes anti-chars livrées par les États-Unis d'Amérique. Donc on devrait se dire, ouais, c'est quand même des armes. Bon, c'est pas des pistolets, quoi. Je veux dire, c'est pas des armes légères, ça circule pas facilement. Bah, détrompez-vous, elles sont déjà en Syrie, elles sont vendues au marché noir en Syrie, notamment en direction des islamistes. Hein. Voilà, il y a des vidéos sur Telegram où en fait vous voyez les réseaux de trafiquants d'armes arabes qui vendent au plus offrant, mais notamment aux islamistes, ce type d'armes. Et c'est évidemment avec l'accord de toute la clique de Zelensky, en fait, avec l'aide des Turcs. Parce que tout le monde est dans la combine, en fait. C'est-à-dire tout le monde fait du fric avec tout le monde, en fait, là-dedans. Et quand vous voyez les volumes, vous savez qu'il y a une partie des armes qui va arriver entre les réseaux criminels d'Europe de l'Ouest. C'est inévitable. Il y a trop de quantités pour que ça échappe. Et voilà. Et donc, ce qu'on a vu avec les Balkans, on va le voir avec l'Ukraine. Quoi. C'est inévitable. C'est tellement, les volumes sont tellement considérables que voilà quoi. Voilà. Donc, voilà, et ceux qui se les procurent au black sous le manteau, je crois pas qu'ils vont aller voir Darmanin pour les restituer. Donc, bah, oui, voilà. Ce qui pose la question, c'est comment, alors qu'on sait qu'il y a des arsenaux clandestins qui sont contrôlés par la mafia maghrébine en France, pour le trafic d'armes. Donc on sait qu'il y en a dans toutes les villes de France et de Navarre. Enfin, les flics, c'est pas qu'ils le savent, c'est qu'ils savent où elles sont. Mais il n'y a pas d'ordre pour aller les saisir. Et on va demander à Pépé de rendre sa pétoire qu'il a héritée de 14-18. C'est ridicule. C'est ridicule comme ça. Mais en fait, c'est pas si absurde quand vous avez peur du peuple. Du peuple autochtone, j'entends. Là, ouais. Effectivement, ça devient plus logique. On se dit, oui, ça serait gênant de voir ces gars-là. Parce que bon, on peut se dire... que l'armée française, les forces de sécurité françaises, gendarmerie, police, elles sont très bien équipées. Oui, elles sont très bien équipées, c'est sûr. C'est... Mais bon, un peuple en colère, même avec des fusils de chasse, ça tire quand même. Je veux dire, c'est quand même dangereux. Quoi. Je veux dire, voilà. Oui, ça fait. C'est pas conçu pour un usage militaire et ça ne peut pas. Venir à bout de l'armée française ou même de la gendarmerie française ou de la police française, mais bon, c'est quand même des armes. Donc si jamais il y a des troubles graves en France, bah s'il y a une foule qui se met à sortir des fusils de chasse, c'est pas bon, quoi. Hein, c'est pas bon. Alors là, ce qui m'interpelle un peu, c'est le laps de temps qui est laissé aux populations. Une semaine, c'est quand même très très court. Donc j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vraiment envie de les récupérer. Alors vous allez me dire, c'est contre-intuitif. Je pense en fait que ils veulent signifier que ils ont donné la possibilité aux gens de rendre leurs armes en mode amnestie, quoi. Et ensuite, je pense qu'ils se couvrent à l'avance pour ensuite cartonner très sévèrement les gens qu'ils appréhenderont avec des armes qui ne sont pas dans les règles, en disant « Ah, écoutez, monsieur, vous avez une semaine pour vous mettre en conformité, pourquoi ne l'avez-vous pas fait quand l'opportunité vous en a été donnée ? Hein ? Qu'est-ce que vous préparez ? Pourquoi vous n'avez pas fait ça ? Est-ce que vous avez une explication, monsieur ?» Voilà, et du coup, ça donne c'est un très bon argument politique pour mettre les gens qui détiennent des armes dans un état de suspicion générale, voyez ? Et on peut imaginer que dans des scénarios de perquisition, etc., alors des perquisitions, je veux dire, pas spécifiquement pour attraper des armes, mais dans des perquisitions tout court, qui aboutissent indirectement à la découverte d'armes, on puisse aggraver la situation en disant, enfin le cas de la personne en disant, vous voyez, cette personne-là, elle avait des armes chez elle. Alors que normalement, il ne doit pas en avoir. On avait donné l'opportunité à toute la population de rendre ses armes. Si cet homme a des armes chez lui, c'est qu'il préparait quelque chose. Vous comprenez ? Je pense qu'il y a vraiment un calcul politique derrière ça. Mais il y a peut-être une partie de la chose qui m'échappe. Mais si vous voulez vraiment que les gens rendent leurs armes, vous ne donnez pas une semaine. Vous donnez 6 mois, quoi. Vous dites, là, il faut les rendre. Vous faites passer vraiment le message, etc. Vous créez même une incitation financière. Vous dites, voilà, si vous rendez une arme non déclarée, etc., on peut vous donner X, voilà, en échange du bien en question. Enfin, bref, enfin, donnez des gages de bonne foi que vous voulez vraiment matériellement désarmer. Or là, je pense qu'il y a autre chose. Ça sent plus le prétexte qu'autre chose. Je sais pas, hein, c'est moi qui je le ressens comme ça. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus ? Oui, absolument. Alors, c'est quand même un sujet extrêmement important, à mon avis, le sujet des armes, le sujet d'être armé. Dans l'histoire de l'humanité, en fait, si on s'y intéresse, notamment, c'est ce qu'écrit très bien encore mon gourou Claude Nancy dans « Vers un matérialisme biologique », que, en fait, l'homme a une histoire d'armes, d'armes, et comme on n'a pas visiblement d'armes, on n'a pas de griffes, on n'a pas de crocs, naturellement, ce qui s'est passé, c'est que nos ancêtres se sont mis à jeter des projectiles pour se défendre. Et en fait, au fur et à mesure de notre évolution, les armes se sont perfectionnées. Et ce qui marque d'ailleurs le plus notre évolution ancestrale, c'est que nos ancêtres se sont mis à réfléchir de plus en plus pour avoir des armes de plus en plus performantes, pour améliorer les rendements de chasse, conquérir des territoires et ainsi de suite. Et il y a une relation intrinsèque entre notre instinct primitif et le fait d'être armé, surtout je pense quand on est un homme. Probablement moins pour les femmes, mais les hommes ont vraiment une relation d'équivalence dans leur esprit entre le fait d'être propriétaire d'un bien ou d'un lieu, le fait d'être armé et le fait d'être maître chez soi. Je pense que c'est vraiment les trois propositions sont parfaitement équivalentes. Et donc en fait, ce que l'État nous signifie, c'est que un biais supplémentaire, il le fait déjà en permanence, mais il veut nous dire qu'on n'est plus souverain chez nous, on n'est plus maître de notre destin et on n'a plus le droit de se défendre. Et d'ailleurs, il y a fréquemment des faits divers sur le fait que des hommes ont pris une arme à feu, se sont défendus et ont cartonné un maghrébin ou autre. Et tout le poids de la justice tombe sur cette personne pour la faire condamner en disant « là récemment il y a eu cette affaire de… » Il n'y avait pas d'arme en jeu, mais il y a un homme qui a retrouvé un clandestin qui avait attaqué sa fille chez lui. Dans son domicile. C'était un maghrébin qui a donc passé à tabac, je pense que c'était un jeune nègre de 22 ans, il me semble. On finit par confondre. Ouais, un gambien ou un truc comme ça, je crois. Voilà. Une bête équatoriale. Ils ont vraiment signifié à cet homme interdiction de se défendre, interdiction de défendre sa fille, alors que est rentré chez lui à domicile. C'est quand même absolument incroyable. Mais là, c'est une attaque directe de l'État, je m'en veux de te couper, mais c'est une attaque directe de l'État contre les réflexes anthropologiques les plus élémentaires. C'est-à-dire qu'en fait, l'État attaque des millions d'années d'évolution et en fait… des centaines de millions d'années d'évolution, parce que la violence, elle est là, en fait. C'est-à-dire que ta fille se fait attaquer par un prédateur, c'est pas une question de bien, mal, non, c'est la part animale qui est en toi, c'est-à-dire ton conditionnement de centaines de millions d'années, va te pousser animalement à défendre ta progéniture. C'est-à-dire que tu vas attaquer l'agresseur, c'est point barre. Tu es conditionné à le faire, et ça va être une force irrépressible en toi, et en fait tu vas même pas intellectualiser, rationaliser le processus, c'est une espèce de force en toi qui va te pousser, tu vas sauter sur l'agresseur ou tu vas te saisir de quelque chose pour le neutraliser. Et là l'État, alors a posteriori, parce qu'il peut pas intervenir tout de suite in situ quoi, mais a posteriori criminalise la personne qui a des réflexes naturels. Pourquoi? Parce que l'État dit non, mais le monopole de la violence appartient à notre caste. Vous, les gueux, ça ne vous appartient pas. Vous n'avez pas le droit de vous défendre. C'est nous qui intervenons si on l'estime nécessaire. Et en attendant d'eux, vous êtes simplement du gibier. Donc vous acceptez votre condition de gibier Et si vous refusez d'accepter votre condition de gibier, attention, les représailles arrivent. Donc tu te retrouves à devoir choisir, ok, je laisse ma fille se faire violer parce que sinon je vais peut-être finir derrière les barreaux bouffé par ces gens-là. Alors, je te redonne la parole, mais il est évident que mieux vaut finir derrière les barreaux, surtout en France, que de laisser sa fille se faire violer. Donc, parce que c'est ça, au final, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent essayer de conditionner les masses comme ils veulent, il n'y a rien à faire. Si ta fille est menacée ou ton gamin est menacé par un prédateur, il faut évidemment le neutraliser à toute force, peu importe ce que l'État promet de faire. Est-ce que sa magistrature putréfiée, composée à 80% de femmes blanches, je le précise, menace de faire contre vous. Mais il y a la dimension féminine là-dedans. Hein, je veux dire, il y a bien sûr l'État qui veut castrer la population pour la domestiquer, mais il y a aussi les femmes. Et les femmes savent que l'homme qui est territorial, qui maîtrise ce que tu as dit, hein, qui maîtrise son territoire, c'est une entité qui peut potentiellement leur échapper, et elles utilisent la force de l'État pour régler des comptes par rapport à l'évolution humaine, tout simplement, et à l'évolution du vivant, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, elles essayent, dans une espèce de phénomène d'involution, d'utiliser la force étatique pour défaire ce que l'évolution a fait, pour essayer d'empêcher l'homme d'utiliser la force qui lui est donnée par la nature pour remplir sa fonction. Et là, c'est une agression contre l'anthropologie elle-même, ça ne peut pas durer, c'est la bonne nouvelle, c'est clairement pas stable comme système. Oui, absolument. Mais c'est pas du tout tenable. Et donc, simplement pour finir mon propos rapidement, il y a un précédent, notamment en Australie. En 1997, l'État a organisé une grande collecte des armes, en vendant que ça allait réduire la violence, que les gens seraient plus en sécurité. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que dans les années 2000, le nombre de cambriolages a explosé. Les agressions sur les personnes ont aussi explosé. Et en fait, c'est une preuve supplémentaire, s'il en faut, que quand les gens sont armés chez eux, ou du moins qu'il y a à minima la menace qu'il y a une arme à feu dans un domicile et qu'il y a potentiellement quelqu'un qui peut s'en servir, qui aurait le droit de s'en servir aussi, ça suffit pour que les ennemis, les cambrioleurs ne décident pas d'attaquer un domicile. Donc en fait, ils veulent aussi nous rendre particulièrement vulnérables à toutes sortes de menaces. Et je pense qu'il y a une sorte de jouissance perverse là-dedans. Moi, ça m'étonnerait pas que quand ils font ça, ce soit aussi une sorte de d'humiliation, comme le soulignait Hydromel dans un autre contexte. Mais c'est quasi permanent, en fait. On a l'impression qu'ils veulent nous humilier et attaquer notre anthropologie au plus profond. Je rajouterais, si tu me permets, Gandalf, autre chose, c'est que il y a aussi une question de dépendance. C'est-à-dire, vous l'avez bien noté, hein, sur le rôle de l'État, etc. Mais l'État doit, en fait, pour cette violence, il doit prouver son utilité. Et derrière l'utilité, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le consentement à l'impôt. Ça, les gens ont tendance à l'oublier. Ils se disent simplement, l'impôt, c'est une espèce de trou sans fond où je balance mon fric. Non, ça s'appelle du racket. Eh bien, pour justifier l'impôt, justement, il faut que l'État soit capable de nous protéger. Et du coup, il veut créer cette dépendance en disant, mais attention, c'est moi qui vais vous protéger, c'est moi qui vais faire, donc donnez-moi vos armes, etc. Et donc, là où, comme vous l'avez très bien dit, ça peut pas continuer, pour les raisons anthropologiques que vous avez bien exposées, mais aussi pour le fait que l'État ne remplit plus son rôle, et qu'à un moment, les gens vont peut-être, je l'espère, se poser la question de « qu'est-ce qu'on fait avec mes impôts ?» Oui, là, on l'a vu avec l'hôpital Cochin, c'est un exemple caractéristique. Enfin, c'est-à-dire que l'État envahit tout, hein, donc l'État envahit la société. Les gens doivent comprendre ça. Quand je donne cet exemple, ça peut stupéfier, mais aujourd'hui, il y a à peu près 20% de fonctionnaires chez les actifs en France, quoi. C'est considérable. Pendant la plupart de l'existence de l'État français, y compris sous le régime républicain, par exemple, la première moitié du XXe siècle, c'était 3%. C'est-à-dire qu'en gros, tu avais un facteur, tu avais un flic, un instituteur. Maintenant, si tu veux, tu as des tas de bidules parapubliques dans tous les sens, et plus ça va, plus ça envahit tout. Tu as gardé la part du PIB en dépenses publiques, ça devient surréaliste. On est à 60%, etc. Bon, et t'entends l'extrême gauche mélenchoniste qui dit qu'on vit dans un enfer capitaliste. Tu te frottes les yeux, quoi. Je veux dire, bon, et en fait, eux, tant qu'on n'est pas, on n'est pas à 110% de dépenses publiques, si tu veux, les mecs vont te suspecter enfin, ils vont continuer de formuler leurs accusations en disant qu'on vit dans un système ultra-capitaliste. Enfin, non, on est. Bah, c'est des marxistes. On n'est jamais assez loin dans le marxisme pour les marxistes. Tout à fait. Mais on est là-dedans. Et en fait, la bureaucratie française, donc les fonctionnaires qui sont des. Voilà, vous avez le bilan sous les yeux. Si vous dites, ouais, la bureaucratie. Bah, vous avez le bilan sous les yeux. C'est quoi la bureaucratie française? Bah, vous avez sous les yeux. Vous avez qu'à regarder. Voilà, l'état de la France, c'est ça. La bureaucratisation à outrance de la France, c'est ça. Voilà. C'est, on prend tout le monde en charge du berceau à la tombe. L'État dit qu'il va s'occuper de tout, à toutes les heures. Il faut tout réglementer. Il faut domestiquer la masse, etc. Bah, vous avez ça. Un pays socialisé, étatisé à outrance. Surveillé en permanence avec des irresponsables en puissance parce que les assistés sont des irresponsables, ça vous donne ce que vous avez sous les yeux. C'est-à-dire que c'est l'anarchie. Comme personne n'est responsable de rien, même plus de la sécurité, bah vous avez le résultat, c'est l'anarchie. Voilà. Et donc au bout d'un moment, parce que ça va rompre, ça va forcément rompre. C'est fatal, ça. C'est fatal. Bah, les gens, ils vont. Alors comment ça va se produire? Je pense que ça va être assez chaotique. Mais ils vont se prendre en main, quoi. Ça, c'est tout à fait certain. De toute façon, la violence va ne faire que s'accroître, parce qu'avec les animaux sauvages qu'ils importent de partout, c'est impossible à tenir. Hein. C'est impossible à tenir. En plus, les prisons sont pleines. Parce que les gens, ils parlent, oui, la politique, il faut changer les lois. Mais rien, c'est un problème purement immobilier. Il n'y a pas de place. Tu peux pas. Et en plus, c'est grand la Guyane. Je veux pas pourquoi. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'actuellement ils sont là. Oui, non, mais il faut construire des places de prison. Mais mon pauvre ami, c'est ce que ça coûte. Un tolard en France, c'est hors de prix. Ça n'en vaut pas la peine pour mettre toute la racaille qui arrive du tiers monde. C'est pas la peine. C'est un mauvais calcul. Les prisons françaises devraient être remplies de criminels français de souche, d'accord, classique, ok. Il y a environ 55 000 places en France ou 60 000 places en France, ça correspond parfaitement à la criminalité indigène, pas du tout à la criminalité halogène. Tous les animaux sauvages, d'abord, ils ne devraient pas revenir, ceux qui sont présents devraient être expulsés, et les criminels les plus endurcis de cette population-là, c'est direction la Guyane, le bagne. Voilà, moi j'attends qu'un gouvernement français proclame la création du bagne, le rétablissement du bagne. Bon, comment on se court, le fascisme? Ben non, c'était présent sous la Troisième République, le bagne. C'était républicain. Les îles Kerguelen, c'est pas mal aussi. Ça caille. Parce qu'il fait un peu trop chaud à Guyane, je trouve. Non, à Guyane, c'est très bien. Il y a des araignées, des tarentules, des serpents, il y a des maladies, il y a des tas de trucs, tu vois. C'est vachement bien. Tu vois. Et en plus, t'as pas besoin de barbelés. Ah, les mecs, tu les fous au milieu de la Guyane, tu leur dis, ah, les gars, allez-y, hein, les gars. Vous voulez vous évader? Ouais, entouré de crocodiles, c'est pas mal. Ouais, non, c'est très bien. Faire 300 km de jungle à pied, tu vois, sans rien à bouffer. Allez, amuse-toi. Je veux dire, c'est tout. Voilà ce qu'il faut faire. Ah oui, mais à ce moment-là, il faut du régalien. Ouais. Pas un état d'assistante sociale. Il faut du régalien, du vrai régalien, tu vois. Ah ouais, c'est sûr. Bah, pas 6 millions de fonctionnaires. Hein. Pas la peine. Hein. 500 000 fonctionnaires, c'est largement suffisant. Par contre, ils bossent comme 10, hein, les types. Hein. Et là, il y a du résultat. Il y a du résultat, du vrai résultat. Hein. Ah là là, moi je donnerais du travail aux gens, hein, à Bordeaux, à Nantes, etc. Ouh là là. Ah, les compagnies de bateaux, là, ça marcherait à plein tube. Hein. Et croyez-moi bien, on entendrait une mouche péter dans les banlieues en France. Hein. On entendrait une mouche péter. Hein. Je peux vous le dire. Hein. Ah ouais, il n'y aurait plus de deal. Ça n'existerait plus. Il n'y aurait plus de viol en plein jour, comme ça n'existerait plus. Sinon, direction, le bagne, l'enfer sur terre. L'enfer sur terre. Et en plus, vous savez comment ça marche dans les tôles, c'est les matons. Mais c'est les matons qui viennent des rangs des tôlards. Alors imaginez, vous prenez les criminels les plus endurcis du lot et vous leur donnez la charge de surveiller tous les autres. Oh, extraordinaire. Alors là, les gars, là, j'aime autant vous dire. Vous voyez, non, en fait, parce que c'est ça, hein, le personnel pénitentiaire, il est juste dans les miradors, il regarde de haut, c'est tout. Il ne gère pas la tôle en interne. Ça, c'est géré par les gars à l'intérieur, vous voyez. Là, c'est du bon, vous voyez. Voilà ce qu'il faut faire en France. Ah, mais qui c'est qui aura le courage de présenter une solution comme ça? En attendant, les bêtes sauvages arrivent de partout. Voilà. Bon. Bah, il y a plus simple, il y a aussi le rétablissement de la peine de mort, hein, pour certains cas extrêmes. Ça répond pas à la demande, parce que si tu veux, déjà. Moi, je suis pas contre, hein, attention. Mais je veux dire, là, les volumes dont on parle, si tu veux, c'est de la déportation de masse qu'il faut. Oui, bien sûr. Oui. Ça correspond plus du tout. Je veux dire, bien sûr, la peine de mort, évidemment, elle n'aurait jamais dû être abolie pour commencer. Et elle devrait être réellement appliquée. C'est-à-dire, c'est pas trois personnes guillotinées dans l'année. Non, je suis désolé. Les dealers, c'est comme à Singapour, tu vois, plus de 2 kilos de drogue. Allez. Ils l'ont arrêté, la peine de mort, parce que parmi les élites, parmi les copains de ceux qui décidaient des lois, il y en avait qui la méritaient, donc, pour se protéger entre eux. Oui, il y a de ça, ouais. Bien sûr, voilà. Et puis bon, enfin, on sait très bien qui a fait ça, hein, c'est le juge Badinter, donc bon, voilà, le sabotage, on sait, c'est toujours les mêmes, quoi. Voilà. Mais non, les volumes dont on parle là, ça correspond pas. Donc, bien sûr, il faut juguler l'immigration, mais pour restaurer l'ordre en France, il faut rétablir le bagne. En Guyane. Évidemment. Évidemment. Voilà. Une solution républicaine, parfaitement égalitaire. Voilà. Mais bon, qui aura le courage de le proposer? Ah, bonne question. Je sais que tout le monde n'est pas fan de Zemmour ici, et bon, il est critiquable, mais Zemmour, peut-être lors d'un deuxième quinquennat, il serait capable d'aller jusque-là. Non, il le ferait pas, je crois pas, parce que tu sais, il faut... c'est surtout c'est un amuseur plus qu'autre chose. Mais non, il faut le bon niveau de détermination et de colère pour ce que uniquement la race autochtone, enfin des gens issus de la race autochtone peuvent ressentir pour mettre en place ce genre de mesures. Vous voyez, les métèques, ils feront jamais ce genre de truc parce qu'ils auraient trop peur d'y finir. Il y a que l'autochtone en colère qui peut faire ce genre de mesures. Mais vraiment, je vous le dis, pour restaurer l'ordre en France, le bagne. Et à grande échelle, hein, c'est pas juste 10 000 gaziers comme ça en colonie et de vacances. Hein. Non, c'est par tranche, par Les OQTF, toutes les OQTF, ouais. Déjà, ça devrait commencer par là. Parce qu'en fait, on a un problème, on sait pas, le mec, il dit il est jordanien, est-ce qu'il est vraiment jordanien, il est algérien, on n'en sait rien. Donc, quand on a ce problème-là, toi, tu dis, t'es visiblement pas français, tu poses problème, tu commets des crimes et ainsi de suite. Ah bah, direction la forêt équatoriale, et ouais. Puis bah, on verra d'où tu viens. Peut-être que tu vas nous dire, on pourra te renvoyer chez toi, possiblement après quelques années, on verra. Mais et puis déjà, ça tarirait extrêmement vite le flot d'entrée sur le territoire. On n'aurait plus de problème de c'est en viking, même Soros. Ce serait plus un problème à ce niveau-là parce que il y aurait plus personne, il y aurait plus de candidats, ce serait terminé. Mais j'ai envie de dire, ça fait depuis au moins 50 ans que le Front National aurait dû proposer ça, hein, depuis sa création. Je les trouve qui a posteriori étaient trop timorés. Bah en fait, ils sont restés sur des solutions. En fait, les gens réfléchissent en termes franco-français. C'est-à-dire qu'ils raisonnent dans le cadre du périmètre répressif qui est communément admis depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire, voilà, il faut des prisons. Mais la situation actuelle ne correspond pas du tout à ce qu'on a connu dans l'histoire de France. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais eu comme ça des millions et des millions d'envahisseurs venus du tiers-monde qui s'installent, qui volent, qui tuent, qui violent, qui droguent, qui dealent de la drogue. On n'a jamais vu ça. Donc, les solutions ne peuvent pas être trouvées dans les méthodes répressives qui correspondaient à une société apaisée des années 50, 60 ou 70, quoi, c'est évident. Ouais, alors après, il y avait quand même des gros signes avant-coureurs, hein. J'avais vu passer il y a quelques temps des rapports de police des années 1950, un de 1951, sur le fléau de la pègre marocaine à Paris. Ah oui. Donc 1951, ça veut dire que ouais. Ils étaient au courant quand même. Puis bon, oui. les crimes sémitiques peuvent être quand même d'une barbarie assez rare. Le cas de Lola récemment nous l'a bien montré. Et ça date pas des 5 dernières années, ni même des 20 dernières années. Donc ils savaient très bien. Et puis les anciens de l'Algérie, ils ont bien vu. Hein. Ils ont bien vu comment ça se passait avec ces gens. C'est étonnant qu'ils aient pas été plus vindicatifs dans les années fin des années 60, années 70, quand ils ont commencé à les voir débarouler, même s'il y avait des harkis, ainsi de suite. Ils auraient dû tout de suite se dire ah non mais ça va mal se finir, que il va y avoir la même chose que ce qu'on a vu en Algérie. Enfin, faut quand même savoir un peu quel genre de crime les Felagas commettaient sur les soldats français qu'ils capturaient, sur les civils français aussi, les pieds noirs. Enfin, c'était quand même vraiment pas joli, hein. S'il y avait des policiers courageux en France, ils feraient fuiter les photos des crimes commis contre les Français. T'as juste qu'à mettre les photos des corps, tu les mets sur les réseaux sociaux, et à ce régime-là, au bout de quelques mois, les gens exigent la fin de l'immigration. Hein. Je veux dire, c'est ça, hein. La police française porte une énorme responsabilité dans le chaos actuel, donc ils sont toujours en train de pleurer, on n'a pas de moyens, c'est les principaux responsables. C'est les principaux responsables, faut arrêter, quoi. Je veux dire, quand tu tolères même d'avoir un ministre comme Darmanin, c'est une blague, quoi. On les a vus, hein, quand ils ont fait grève, il y a 3 ans, 4 ans, là. On n'a pas de radiateur, on a pas de truc, etc. C'est que des histoires de demi-syndicalistes, on veut une petite rallonge, un peu de truc, etc. Mais c'est une invasion jamais vue dans l'histoire. Vous nous parlez de rallonge budgétaire, c'est pas le sujet. Mais c'est encore pire que ça, ces gens-là. Moi, j'ai vraiment la police, j'ai une vision d'eux, mais au plus bas, ils peuvent tuer leur mère pour une prime de 500 euros. Hein. On leur demande de faire n'importe quoi, là, avec le Covid. Ils ont été d'une laideur absolument incroyable. De les voir arriver avec des armes lourdes sur des plages pour mettre des amendes de 135 euros à des gens qui étaient assis sur la plage. Mais ces gens, mais n'ont aucune dignité. C'est vraiment la lie de l'humanité. Vraiment, c'est le pire du pire. Avec les Gilets jaunes, on a vu des épisodes partiellement laids. Alors oui, il y avait des bandes de rouges, d'excités, d'extrême gauche, etc. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi des gens qui étaient légitimement en colère. Et ils se sont permis des trucs. C'était d'une violence inouïe. Et je m'étonne. Parce que vu les scènes qu'on a vues, parce qu'il y avait des moments, il y avait des gars qui étaient passés à tabac, c'était pas des antifascistes ou quoi, ou même des gars armés de coquelicots, ou même pas des black blocs, hein, c'était vraiment des manifestants à gilets jaunes, voilà, enfin qui étaient dans le lot, quoi. Et il y en a, j'en ai vu se faire éclater la tête, et je sais même pas comment les gars étaient vivants, parce que il leur prenait la tête, il éclatait contre le trottoir. Tu voyais le type, ensuite il le traînait, t'avais le sang qui coulait du crâne. Tu dis, putain, mais le mec est encore vivant. Maintien de l'ordre républicain. Ah ouais, non, mais même ça a stupéfié l'Europe. Hein. Ils se sont dit, putain la vache, mais en France c'est ultra violent, qu'est-ce qui se passe et tout. Et parce que les autres pays européens n'ont pas du tout ces méthodes pour gérer les. Mais en fait, Macron a donné l'ordre d'aller au contact. C'est ça qui s'est passé. Alors, encore une fois, je distingue bien le fond du caniveau des chiottes de l'extrême gauche qui sautera sur n'importe quelle occasion pour aller dans la rue foutre la merde, d'accord ? Donc ça, c'est une part. Mais t'as les gens qui descendent légitimement dans la rue parce qu'ils sont mécontents. Et ces mecs-là se sont fait rentrer dans la gueule et la BAC a joué un rôle majeur là-dedans. Ils s'éclataient, ça se voyait, on les voyait, ils rigolaient, ils étaient contents d'allumer les gens. Mais c'est des maghrébins, hein. C'est pour certains, la BAC, mecs vont inciter, il faut des maghrébins, donc là on les a simplement redéployés contre les Français de souche, mais autrement toute cette flicaille là qui avec ses LBD et ses brassards qui étaient pas en tenue de CRS, les CRS et la BAC ont travaillé un peu de pair, mais disons les CRS étaient le fronton et la BAC c'était ceux qui étaient pour les opérations spéciales, pour comme tu viens de le dire passer à tabac des gens qu'ils avaient repérés, et ils ont fait des trucs absolument ignobles. Ah oui, non, il y a eu des trucs, mais bon, mais je m'étonne qu'il n'y ait pas eu plus de morts que ça. Il y a eu beaucoup de blessés, mais voilà. Et vous avez vu, il n'y a jamais eu de... Il n'y a pas de répercussions, ça a été étouffé par le pouvoir. Après, les mecs, ils vous disent, oui, la République, vas-y. Et ça a quand même bien posé le... Enfin, pour ceux qui se posent la question du maintien de l'ordre, de la répression du crime, des Français livrés à la sauvagerie immigrée, etc. Bon, là, vous avez un exemple. C'est-à-dire qu'en fait, quand le pouvoir... incarné par Macron, mais quand il s'est agi de rassurer la bourgeoisie au pouvoir, là on a donné les consignes, voilà, ok les gars, on y va, vous sortez les LBD, le truc, machin, et vous y allez, hein, voilà. Alors, c'est des blancs, vous pouvez leur casser la gueule. Et puis les OQTF, c'est la troisième, c'est la quatrième, donc en fait. Et avec le Covid, là, on a vu aussi qu'il y avait les moyens, qu'on pouvait absolument contrôler les populations si on en avait envie. Et quand la caste au pouvoir veut contrôler, elle contrôle. Et la police suit sans broncher, et le boulot est fait. Donc quand les gens sont là, on comprend pas qu'est-ce qu'on attend, etc. Ben si, bien sûr qu'on comprend. Voilà. Donc tu te fais violer dans un hôpital, ok. Bon, c'est la faute à pas de chance, c'est un fait divers. Oui, peut-être qu'il y a eu un dysfonctionnement, on n'est pas sûr. On va regarder les caméras. Ben, bon, l'enquête va. Voilà. Et puis, si d'aventure, la prochaine fois que ça gueule dans la population, je ne sais, parce que prix du carburant, inflation ou autre chose, et que la bourgeoisie est inquiète, tout d'un coup, les Français vont redécouvrir qu'ils ont une police, hein, ce qui n'était pas tout à fait sûr, qui peut faire autre chose que foutre des amendes, voilà, et c'est-à-dire leur exploser la gueule. Voilà. Ou, de temps en temps, pour souffler un peu, monter des dossiers contre des gens qui disent que peut-être que les histoires de chambres à gaz en Pologne, c'est pas tout à fait exact, et là, ils vont remuer ciel et terre pour aller récupérer des gars dans des pays étrangers. Voilà, là, il y aura des moyens. Donc, attention dans les hôpitaux, hein. Ça, c'est un peu dangereux maintenant, hein. C'est dangereux. Voilà. Ouais. Petite note de bas de page pour l'enculé de journaliste qui a écrit l'article que t'as lu sur les armes à feu là, l'affaire des féminicides. Jacqueline Sauvage, elle a bien flingué son mari dans le dos avec une carabine, un 22 long rifle, et elle a été graciée par cette Hollande. Espèce de gros tas de Hollande. Bah là, effectivement, là ça va. Là, le 22 long rifle, ça va. Le flingage du mari dans le dos, ça va. Et puis l'autre qui raconte des histoires, on sait pas, personne peut vérifier sur le fait que son mari la battait, visiblement corroboré par les enfants. Mais bon, les gamins, ils veulent pas voir leur mère en tôle, alors leur père est déjà mort. peut-être qu'il était pas si gentil que ça. Enfin bref, la justice française, enfin le système français, une fois de plus, l'autorisation du meurtre sur un mari comme ça, parce que elle avait envie, elle a pris la 22 long rifle. Enfin bon, comme d'habitude, deux poids deux mesures, tout ne se vaut pas hein, dans ce bas monde. Oui, surtout au Royaume de France, effectivement, tout ne se voit pas, ça c'est sûr. Ben justement, en parlant de poids de mesure, on va aller vers Besançon, mais avant on fait une pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Changing at its core. Nous revoici pour cette deuxième partie de démocratie participative. Vous parliez de deux poids deux mesures, qui est un peu effectivement le paradigme dans lequel on évolue désormais en France et dans l'Occident wokiste, hein. Démocratie avancée, judéo-fémo-LGBT. Et alors, à Besançon, bien là, je crois que dans ce registre-là, on a atteint cette semaine l'apogée, hein, ou pas loin d'eux. Alors, vous allez me dire, de quoi s'agit-il ? Alors, je vais vous livrer cet article de France Info, qui commence très fort. Hein, bon, le titre en lui-même résume à peu près l'enjeu. Statut de Victor Hugo dégradé à Besançon, deux étudiants sont poursuivis et risquent une peine de 10 ans de prison. Waouh ! Waouh ! On a l'impression d'être en Russie, un peu, là, d'après ce que j'en crois, parce que moi, je suis habitué à lire la presse, me décrivant la Russie depuis un certain nombre d'années, et c'est le genre de titre auquel j'étais accoutumé, quoi. C'est-à-dire, tiens, deux opposants, ils risquent 10 ans de prison, et ça. Et là, c'est en France, et c'est cool, c'est vraiment génial. Et alors, ce thème, les 10 ans de prison, c'était repris par plusieurs médias. Et alors, avant de rentrer dans le dur, puisqu'on va comprendre de quoi il s'agit, bien sûr, ensemble, mais notez bien que le régime, par la voix de sa presse, quand il veut signifier aux gueux ce qu'il en coûte de défier l'ordre établi, sa presse spécifie les peines encourues. Hein. Je ne parle pas des maghrébins ou quoi, je vous dis vraiment, quand c'est politique, ils mettent ça dans le titre. Hein. Ils disent, voilà le tarif quand vous essayez de... voilà. Donc, la thèse selon laquelle la Russie, la Chine seraient des états répressifs... je veux dire, la presse française et les journalistes français, je répète encore une fois, 37 000 journalistes encartés en France, c'est assez peu de monde. Il y a de la place en Guyane, hein, y a de la place. Ces gens-là, c'est des flics dans l'âme, hein, d'accord ? C'est des flics dans l'âme, ils vous disent, voilà, tu oses aller contre le... Ok, voilà, 10 ans de prison. Alors, de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce qu'on fait, ces deux étudiants, pour que la presse se déchaîne contre eux et les menace de 10 ans de tôle. Ben, je vais vous lire ça. Deux membres de l'association La Cocarde étudiante, c'est une réaction nationaliste que vous connaissez, je présume, ont reconnu être les auteurs des dégradations de la statue de Victor Hugo à Besançon. Alors, notez bien les propos utilisés. Hein. Des dégradations. A annoncé, vendredi 25 novembre, le parquet est en cours jusqu'à 10 ans de prison. Poursuivi pour dégradation grave, en réunion, au détriment d'un bien d'utilité publique et à finalité raciste. Les deux jeunes hommes de 20 et 22 ans seront jugés le 26 décembre, a déclaré Étienne Manteau, le procureur de la République de Besançon. Donc je cite encore le magistrat. Durant ces trois semaines, avant le procès, on souhaite diligenter une enquête de personnalité pour déterminer qui ils sont et ce qui a pu les conduire à adopter ce comportement. Lundi 21 novembre, la statue de Victor Hugo, signée par l'artiste sénégalais Ousmane Sow, avait été découverte vandalisée. Une couche de peinture blanche avait été déposée sur le visage de l'écrivain, dont l'effigie trône sur l'esplanade des droits de l'homme à Besançon. La statue était en cours de restauration, et une polémique s'était développée sur la couleur, jugée trop sombre par certains, du visage de l'auteur, c'est-à-dire de Victor Hugo, bien que la restauration ne soit pas terminée. Alors, il faut quand même préciser que la fameuse restauration... Ils ont repeint la statue, qui est un bronze. Ils l'ont repeinte pour le transformer en nègre. Alors, Besançon est une ville dont la municipalité est écolo-marxiste. C'est EELV, donc c'est l'équivalent de Grenoble et compagnie, hein, vous connaissez Piolle et tout ça. Et alors, ils ont repeint le bronze qui au départ n'a pas de couleur spécifique. C'est-à-dire que l'artiste sénégalais qui a été cité n'avait pas donné de couleur à Victor Hugo particulière. C'était un bronze, comme toutes les statues de bronze, quoi. Voilà. Mais la fameuse restauration voulue par la municipalité d'extrême-gauche a artificiellement repeint la statue, ce qui est un truc bizarre, parce que c'est un bronze qui est repeint, et Victor Hugo a la tête noire. Enfin, marron. C'est comme un Africain, quoi. Et c'était du vandalisme, en réalité. Hein. C'était eux qui avaient vandalisé. À tel point que la femme du sculpteur sénégalais a protesté contre le fait que la statue ait été repeinte. D'accord ? Donc, c'est vraiment... pour le coup, l'atteinte portée à la statue, elle est initiée par la municipalité d'extrême-gauche, donc écolo-marxiste. Et c'est contre ça qu'ont protesté les deux étudiants. D'accord ? Alors, je continue. À l'initiative des nationalistes locaux, la statue de Victor Hugo a été restaurée et arbore désormais une belle couleur blanche, bien française, bien byzantine, bien 19e siècle, annoncé peu de temps après, un message de revendication posté sur le site internet de la cocarde étudiante a indiqué le procureur de la République de Besançon. Je ne suis pas au courant du communiqué, je n'ai pas lu. Hein. Selon Étienne Manteau, donc le magistrat, les auteurs des dégradations ont contesté toute finalité raciste à leur acte, mais se sont dit heurtés par la couleur du visage sur la statue qu'ils trouvaient trop foncée. Donc la fameuse couche de peinture marron commanditée par la mairie d'extrême-gauche. Le jeune homme de 22 ans, qui a admis avoir lui-même apposé la peinture sur la statue et préparé la pancarte White Power, est le responsable local de l'association La Cocarde. Étudiant en histoire, il a déclaré avoir été membre du Front National, devenu Rassemblement National, de 2015 à 2021. L'autre mis en cause s'est présenté comme le responsable adjoint de l'antenne locale de l'association et comme ancien adhérent du Rassemblement National, lui aussi est étudiant en histoire. Alors, je vais vous donner la parole, hein, j'ai contextualisé, hein, j'ai expliqué. Donc, c'était exercice de peinture contre exercice de peinture. Mais visiblement, il y a des cas où on peut repeindre des statues comme on veut, en fait, au détriment de toutes les normes normalement en vigueur. Et des cas où on ne peut pas. Voilà. Et comment on peut déterminer qui a tort et qui a raison? Ça dépend si vous êtes d'extrême gauche, wokiste, pro-grand remplacement, ou si vous êtes en fait un indigène indigné et assiégé qui se défend. Et qui rappelle à tout le monde, quand même, à toutes fins utiles, que Victor Hugo était... on n'est pas sûr, c'est un blanc, quand même. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire sur ce truc de fou où tout le monde s'y met? Alors, je vous ai épargné les réactions de la mère, c'est une femme blanche, hein, à la tête de la commune, hein, de Besançon, qui s'est revendiquée wokiste, hein. En tribune, elle a dit oui, je suis la cause woke est juste. Moi, je peux réagir sur particulièrement incroyable le motif des poursuites. Donc, dégradation grave en réunion au détriment d'un bien d'utilité publique et à finalité raciste. Ça existe, ça? Je savais même pas qu'ils faisaient des lois pour la dégradation d'un lien public avec un paragraphe. Si c'est à finalité raciste, c'est encore plus grave. Donc alors ça c'est fabuleux, ça. Mais bon, à part ça, c'est triste pour ces deux gars qui vont avoir forcément un casier judiciaire. Ça va leur poser des problèmes. Je comprends pas. Ils sont pas au courant. Ils vivent sur une autre planète, les mecs. Ils savent pas que la République française est anti-blanche, que tu peux pas dire que t'aimerais bien être blanc en France. Ça, c'est strictement interdit. C'est un acte de haine et que la République va te poursuivre jusque dans les chiottes si tu dis ça. Et les mecs, ils postent sur leur site que bah voilà, on a réparé ça et puis. Ils s'attendaient à quoi? Évidemment que leur association va être interdite et que... Ah, la cocarde étudiante, oui, ça c'est sûr qu'ils vont se faire... Ah oui, la dissolution... Ah oui, c'est sûr. Ils vont être tous... Il va y avoir un énorme coup de filet, on va dire. Ils vont vérifier le pédigré de chacun. Enfin, je comprends pas cet acte, c'était kamikaze, vraiment suicidaire. Non, tu veux dire, c'était kamikaze de le revendiquer, c'est ça que tu veux dire? Oui, absolument. Oui. Par contre, l'aspect guérilla, j'admire beaucoup. S'ils étaient restés tout discret, comme par exemple le graffiti de d'Oradour sur Glane, Renoir a raison. Je trouve que c'est très bien. C'est ce genre de choses qui les fait vraiment trembler, qui coûte presque rien. Bon, il y a un côté risque personnel, mais ça les rend fous furieux. Et donc c'est forcément bon signe quand ces gens s'énervent sans qu'ils puissent atteindre le responsable, et surtout quand c'est des choses aussi futiles que peindre une statue ou faire un graffiti sur un panneau. Donc Assez étonnant cette revendication. Vraiment, je comprends pas trop. Je pense que c'est deux copains qui se sont dit, ils étaient au bistrot, ils ont dit, il y en a marre là, viens. T'as vu ce qu'ils ont fait? Ouais, alors là, il faut qu'on fasse un truc et tout. Ils ont pris un seau de peinture blanche et c'est tout. Mais simplement, ils n'ont pas réfléchi plus que ça à leur acte, en fait. C'était très improvisé. En fait, il faut savoir que toutes les villes françaises aujourd'hui sont pourvues de vidéos de caméras, de caméras de vidéosurveillance, pardon. Et donc, déjà, c'est la première donnée à intégrer. C'est-à-dire que toutes les grandes places publiques, donc là, c'est l'esplanade des droits de l'homme. J'adore, j'adore, j'adore. Évidemment, recouvert de caméras. Donc, ils prennent les plaques d'immatriculation, les visages, bien sûr, et ensuite ils recoupent avec, si nécessaire, je veux dire, avec les téléphones qui bornent et éventuellement l'usage de cartes de crédit. Donc, voilà comment ils recoupent, hein, plaques d'immatriculation, téléphone qui borne, cartes de crédit et vidéosurveillance. Alors, voilà, c'est ça, c'est les registres. Alors, si vous arrivez pour faire, je sais pas, une blague un peu potache, hein, n'est-ce pas? Bon, bah, si vous travaillez en amont et qu'il n'y a pas de véhicule et qu'il n'y a pas de visage à découvert et qu'il n'y a pas d'usage de téléphone portable et qu'il n'y a pas d'usage de carte de crédit, ah, bah, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus compliqué, forcément. Mais si les gars, ils arrivent comme ça en croyant qu'il n'y a pas de vidéosurveillance, c'est ça que souvent qu'ils ne savent pas. Donc, ça, c'est une chose. Et deuxièmement, le truc plus profondément que cette situation démontre par l'absurde, c'est le climat d'absolu arbitraire dans lequel maintenant nous évoluons. Et ça, je crois que c'est très important à appréhender. On voit que la municipalité de Besançon procède à du vandalisme révolutionnaire. Ça nous rappelle vraiment l'époque des sans-culottes. Vous savez, quand ils allaient dans les cathédrales, les églises, tout saccagé. Ils brûlaient évidemment les registres, etc. La France a perdu beaucoup au niveau patrimonial durant les périodes, les pics de vandalisme révolutionnaire. On connaîtra d'ailleurs ça aussi en Chine, durant la révolution culturelle avec Mao. Il y a une fièvre qui s'est encouragée par le régime communiste sous Mao, qui a invité les jeunes éléments d'ailleurs de la population fanatisée à tout détruire. Hein, on allait détruire le monde ancien et on allait bâtir la nouvelle société. Et donc, on disait qu'il fallait tout détruire. Et alors, vous avez eu comme ça des vagues de jeunes Chinois, des gardes rouges, hein, qui ont investi les temples bouddhistes, les anciennes bibliothèques, etc., et qui ont brûlé, détruit des pans entiers de l'histoire chinoise, qui sont perdus pour toujours, je veux dire. Et ça a été un des plus grands désastres de l'histoire de la Chine. C'est catastrophique. Et d'ailleurs, c'est à mettre au compte de Taïwan. D'ailleurs, alors on parle beaucoup de ça, mais Taïwan est la seule part de la Chine qui a été épargnée par cette vague de destruction. Et c'est même vrai pour la langue. C'est-à-dire que même l'alphabet a été refondu par les marxistes chinois. Et ce qui fait que la langue de Taïwan est préservée. Le patrimoine de Taïwan est préservé par rapport au continent qui a été complètement saccagé par les marxistes. Donc c'est un phénomène récurrent. Et là, ce qu'on a vu avec Victor Hugo, c'est une réécriture de l'histoire. Bon, ça, on est au courant, on sait qu'ils veulent le faire, mais on peint Victor Hugo en noir. Donc on connaît le programme des marxistes associés à l'immigration de masse. Il faut effacer l'homme blanc. Hein. On efface l'homme blanc, on réécrit l'histoire. Il y avait déjà avec les nègres la volonté de foutre en l'air les statues des gens qui ne leur plaisent pas. Donc, c'était en face de l'Assemblée nationale où c'était. J'ai oublié le nom de ce ministre. Colbert. Colbert, voilà, dont on voulait se débarrasser de la statue. Vous en faites pas, cette statue sera dégagée tôt ou tard. Parce que la démographie est là, que les sans-culottes de l'ANUPS sont là, etc. Et c'est le programme, n'en doutez pas un instant. Et donc, ça s'active. Et alors, à Besançon, bah, c'est ce qu'ils ont fait avec Victor Hugo. Donc, c'était du vandalisme révolutionnaire. Et c'est cocasse parce que la statue est réalisée par un artiste sénégalais, Ousmane Sow. J'avais déjà vu des œuvres à lui. Bon, franchement, c'est un bon, voilà. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais voilà. Bon, mais rien non plus. Bah, je veux dire, Ousmane Sow, c'est pas du tout un exalté de je ne sais quoi. Hein. C'est très apaisé comme type de. Voilà, non, ça vient d'Afrique, quoi. Hein, voilà, bon. Mais c'est pas. Voilà. Et en tout cas, pas cette statue. Mais ils ont. La municipalité s'est autorisée de peindre un bronze. Alors, il y a suffisamment de bronze dans les rues de France pour imaginer n'importe quelle mairie qui s'autoriserait à repeindre un bronze. Et tout le monde se frotterait les yeux en disant qu'est-ce qui se passe ici ? Mais n'importe quel bronze, je veux dire, hein, je sais pas, un personnage historique quelconque, hein, je veux dire, je sais pas, une statue de ce qu'on voudra, Surcouf, peu importe, donc, puis on se met à la repeindre, comme ça, mais tout le monde dirait, mais ils sont devenus marteaux ou quoi, dans la municipalité, là, qu'est-ce qui se passe ? Il y aurait des plaintes, il y aurait carrément des plaintes. Et là, on repeint la statue pour véhiculer un message. Personne ne hurle au vandalisme. Parce que c'est du vandalisme institutionnel. C'est du vandalisme piloté par la municipalité en place. Ah ! Notons la réaction de la Libanaise nommée par Macron ministère de la Culture, qui n'a rien dit contre cet exercice de style très étonnant de la part de la mairie de Besançon, mais qui a réagi avec virulence à la protestation symbolique des étudiants en question. En disant c'est scandaleux, on vandalise les statues à Besançon. Bah oui, mais on est obligé de dire qu'ils étaient vandalisés avant par la mairie elle-même. Donc s'il n'y avait pas le vandalisme de la mairie pour commencer, il n'y aurait pas eu la réaction des étudiants de la cogarde étudiante. Extrême droite ou pas extrême droite, peu importe les accusations qui sont formulées contre eux. C'était action, réaction. Personne ne parle de l'action dans les médias, tout le monde parle de la réaction. Ah oui, mais on ne comprend pas le match. On ne comprend pas le match. Et forcément, c'est ce que dit Vincent. On dit bah oui, vous commentez une rixe. Mais vous oubliez de dire que le mec a commencé en lui foutant une droite dans la gueule. Vous parlez juste du mec qui se défend en redonnant une droite. Ouais, non, bon. Alors, et je veux dire, ça c'est symptomatique du climat. Et je crois, parce que j'observe quand même la situation générale en France, bon, et j'abrège, hein, mais il y a quelque chose qui est très réminiscent de la situation de 1789-1790, et surtout qui nous amènera à 1793, avec la fièvre terroriste. Là, il y a quelque chose qui commence à s'activer. Il y a quelque chose qui commence à s'activer parce que la gauche est en train de crever. C'est évident. Vous regardez statistiquement dans l'opinion, elle est en train de crever. Elle est en train de crever. Elle est en train de crever. Et ils se sentent assiégés. Et vous voyez que la bourgeoisie du régime républicain se solidarise quand nécessaire avec la NUPES, dont elle partage l'idéologie égalitaire fondamentale. Et là, on le voit. C'est-à-dire que la bourgeoisie macroniste, par la voix du gouvernement, se solidarise des éléments les plus radicaux de l'ANUPS et qui se livre à des exercices de vandalisme révolutionnaire pour faire taire les opposants. Alors que si vous faites un sondage dans l'opinion, qu'est-ce que vous pensez du fait de repeindre en noir des statues de Victor Hugo ? Vous allez avoir 90% des gens qui vont protester, ou au moins 80%. D'accord ? Donc, là, on essaie de forcer quelque chose. Ça vient d'en haut. Ça vient d'en haut. Ça vient pas du bas, c'est pas le peuple qui s'exprime là, ça vient d'en haut. Et le truc qu'ils appellent wokisme, pour moi c'est pas très intéressant comme terme le wokisme, parce qu'en fait c'est juste, enfin c'est simplement les mêmes exaltés sans culotte ou marxistes qui remettent le couvert pour essayer de mettre le dernier clou dans le cercueil. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et pour moi, elle est là, la guerre civile. Donc c'est en ça que je me démarque totalement de ce que peut dire, par exemple, quelqu'un comme Oberton, par exemple. Je ne dis pas que ce qu'il dit n'est pas factuel, mais dans cette conception-là, c'est les immigrés qui vont prendre l'initiative d'une guerre civile contre les Blancs. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Non, ça c'est non. C'est pas ça qui va se passer. Une guerre civile commence toujours dans une fracture au sein des élites dirigeantes. Toujours comme ça que ça marche, d'accord ? Parce que c'est pas un bloc homogène. Et il y a des gens qui penchent d'un côté, des gens qui penchent de l'autre. Et ensuite, qui cherchent des appuis. Vous voyez ? Ou des clientèles. Et là, pour moi, ce qui est en train de se passer, et ça me paraît évident, c'est que cette gauche-là, qu'on subit depuis 2 siècles en France, depuis la Révolution française, là, elle a, à mon avis, bien conscience qu'elle joue sa peau. Ils savent qu'ils n'en ont pas pour 20 ans. Au rythme où ça va, ils n'en ont pas pour... Parce qu'ils voient bien les chiffres. Je suis désolé. Marine Le Pen, ça vaut ce que ça vaut. On sait très bien que c'est une femme qui est médiocre. Mais les gens votent pour elle par procuration et contre une certaine orientation générale. Et elle a quand même rassemblé plus de 40% des suffrages aux dernières élections. Donc, ça n'est plus rien. D'accord ? C'est quand même quelque chose. C'est un phénomène social, indubitablement. C'est plus une minorité de gens en colère. C'est un vrai courant social majeur. Et les autres en sont parfaitement conscients. Ils voient que l'étiage de la gauche s'effondre, parce que ça, c'est une donnée objective. Macron, c'est juste les bouveurs qui votent pour leur retraite, c'est tout. D'accord, c'est juste une histoire de fin de mois. Et les Républicains sont terrorisés par ça. Et pour moi, on va avoir en face de nous l'alliance finale de tout le banc républicain. On va les avoir tous contre. Et ils vont s'appuyer sur les halogènes. Ça, et l'ANUP s'est spécialisé là-dedans, parce qu'eux, ils recyclent carrément les islamistes, qui, eux, coupent vraiment les têtes. Parce qu'ils ne le font plus eux-mêmes, parce que, bon, sans culotte ou pas, ils ont quand même perdu de leur énergie originelle. Hein. Donc voilà, donc ils délèguent maintenant. Mais c'est ça qui est en train de se passer. Et pour moi, ce genre d'épiphénomène, là, j'ai l'impression que c'est un petit peu marginal. Pour moi, ce n'est pas du tout marginal. Et il y aura une explication de texte définitive qui va tout faire éclater, c'est-à-dire qui va toutes les anciennes lignes de fracture qui ont traversé la France pendant 2 siècles, elles vont péter, c'est sûr. De la Vendée, en passant par même les 1944-45 avec les communards qui ont instauré avec l'aide du traître de Gaulle leur régime cosmopolite. Enfin, tout ça va s'effondrer. C'est ce qu'ils sont en train de jouer maintenant, et c'est même lié à l'Ukraine. Il y avait un mec qui disait ça, j'en finis. Quelqu'un, mais parce qu'il y avait des gens de droite qui se fourvoient en soutenant l'Ukraine, avec l'histoire de peuple autodéterminé, ça ne tient pas la route. Ils ne comprennent pas que la Russie est devenue le pôle de la contre-révolution. N'importe qui a deux notions d'histoire voit que la Russie, c'est la contre-révolution en mouvement. C'est la contre-révolution en mouvement. Si Vladimir Poutine gagne et si la Russie gagne, la démocratie s'écroule. C'est fini derrière, c'est garanti. Ils le savent, c'est pour ça qu'ils mettent le paquet sur l'Ukraine. Les Juifs s'y trompent pas, hein. Vous n'avez qu'à regarder où les Juifs mettent leurs pions, vous n'avez qu'à voir si certains se posent des questions, les Juifs ils s'en posent aucune. Hein. Donc évidemment que la Russie c'est la contre-révolution en mouvement, et ça fait le lien. Et en France, les journalistes nous le disent, les journalistes du régime nous le disent. Ils nous disent, ah voilà, quand vous protestez, vous êtes des agents des Russes. Des agents du Kremlin, vous êtes des trolls de Poutine, etc. Alors que c'est pas vrai, mais c'est juste que fatalement, ils associent la crise intérieure à la crise extérieure. Voilà ce qui se passe. Donc pour moi, ça va éclater. Là, on en est à des blagues potaches. Ça va pas rester très longtemps des blagues potaches, j'en suis sûr. Ça va devenir violent. Parce que quand vous avez vu ce qu'ils disent maintenant là, t'as deux étudiants, on peut en penser ce qu'ils veulent de leur acte. Mais c'est de la peinture sur une statue. Quant à la presse d'extrême gauche, d'État d'ailleurs, parce que France Info c'est l'État, hein, qui dit 10 ans de tôle, bon, c'est le même gouvernement qui va dénonner le son au Vietnam ou à la Chine ou à l'Iran, mais qui ferment leur gueule. Qui ferment leur gueule. Donc et ces gens-là, et puis en plus, il faut voir le ton qu'ils adoptent en plus, parce que. Ils sont d'une arrogance incroyable, quoi, ces gens, quoi. Alors voilà, alors pour le moment, le peuple est calme. Donc c'est ça qui fait qu'ils se permettent leur impudence. Mais voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Je crois qu'on est quand même là, on a des signaux de véritable guerre civile, voilà. À mon sens. Il faut essayer de faire un maximum de dégâts à son ennemi, tout en étant inaccessible soi-même. Alors nous, on est plutôt sur le terrain des idées. En France, je ne parle pas d'aspect militaire ou d'armes, évidemment, de violence, mais plutôt d'aspect lutte culturelle, lutte idéologique. Et donc, il faut arrêter d'essayer de faire quelque chose en son nom propre. À mon avis, c'est plus le moment, c'est plus possible. C'était possible il y a peut-être 50 ou 60 ans et encore, parce qu'on risquait de se faire assassiner ou d'autres choses. Mais aujourd'hui... Faut savoir raison garder et viser la guerre d'attrition face à ce régime. Et bon, ici on est optimiste, on pense que ça va pas durer très longtemps. Ça peut quand même durer un certain temps. Hein. Ils peuvent tenir encore 5, peut-être 10 ans avec de la chance pour eux. 10 ans maximum à peu près, ouais, je pense. Ouais, maximum. Mais bon, 10 ans, ça peut quand même être long. C'est long. Et il faut aussi, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, quoi. Faut pas à 20 ans se dire, Ah bah, ça y est, on va faire quelque chose qui va, une blitzkrieg qui va abattre la République, on va gagner. Non, non, non, ça marche pas. Même la blitzkrieg d'Adolf Hitler, elle a coûté très cher en hommes et en matériel. Et puis, elle a été le résultat quand même de beaucoup de préparation. C'était une opération qui a été quand même longuement étudiée par des hommes de grande qualité. Donc, il n'y avait rien d'impulsif. Voilà, il faut quand même essayer d'être plutôt dans le raisonnable, se protéger un minimum et pas rentrer dans l'ego. Je pense que c'est quelque chose qui est important avec la maturité, c'est de gérer son propre ego, mais aussi celui des autres. Ça, c'est de manière générale, ça aide beaucoup. Il y a un grand éparpillement en fait. Comment dire, déjà, l'idée de renverser le régime n'est pas populaire au fond à ce stade, parce que par exemple, il y a le côté utilitariste électoral. C'est-à-dire en fait, si on veut que les choses bougent, il faut voter. Ça, c'est une idée assez arrêtée. Donc les gens votent RN à défaut d'autre chose. Ils disent, bon, il faut faire avec. Voilà, on fait comme ça. Et t'es censé t'en satisfaire, voilà. Et d'autres disent, ils sont déçus par ça, ils veulent de l'action directe, mais c'est souvent c'est désordonné. Alors qu'aujourd'hui, l'État français n'a jamais été aussi bien équipé pour réprimer toute forme de sédition. Alors, décide-t-il d'utiliser cette capacité ou pas, c'est autre chose. On le voit avec le crime ordinaire, non. Mais avec le crime politique, oui, énormément, on le voit bien, hein. Il y a un déséquilibre du traitement qui est flagrant. C'est-à-dire qu'il y a des tas de enfin, la racaille immigrée fait ce qu'elle veut, mais dès que c'est politique, dès que c'est un caractère politique, les moyens sont employés, quoi. Donc on voit où le régime place les moyens répressifs, où il place les budgets, où il place ses hommes, hein. Voilà, il s'y trompe pas, il cherche à se conserver lui-même. Et donc, je veux dire, il n'y a pas de formule très claire qui est conceptualisée aujourd'hui dans les mouvements d'opposition. C'est très diffus. Je connais pas le mouvement cocarde étudiante. Je pense que c'est, je sais pas, je connais pas leur doctrine. Je sais pas même pas s'ils ont vraiment une doctrine, si vraiment l'objectif. J'imagine qu'il y a un peu de tout, bon, enfin, ça a au moins le mérite de formuler une opposition, ce qui est vraiment pas facile, surtout dans le milieu étudiant, parce que c'est devenu un foyer de sans-culotterie LGBT, quoi. Et bon, c'est quand même compliqué aujourd'hui d'exister politiquement. Donc voilà. Donc le problème que je vois aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'unité de vue, malheureusement, pas d'unité de vue. Sur une finalité claire, quoi, je veux dire, voilà, je pense qu'il faudrait une finalité claire, mais pour le moment, c'est clairement pas le cas, hein. Je veux dire, sur la question de l'immigration, oui, je pense qu'il y a une idée assez claire, voilà, il faut stopper, quoi, le grand remplacement. Ça me paraît assez bien formulé maintenant, mais il n'y a pas encore d'association très claire avec le renversement du régime, alors qu'il faut renverser. Ce que je veux, pour en terminer, je veux dire, je suis étonné qu'il n'y ait pas aujourd'hui en France une volonté exprimée de manière très claire et univoque, non pas à droite, mais par au moins la frange dure du nationalisme, de renverser le régime républicain. Alors que c'est Mais absolument c'est indispensable. parce que tu peux pas, si tu vas, en fait, tu veux retourner sur un système aristocratique de direction par des gens de qualité, des gens compétents, qui est donc par définition antidémocratique. Et comme l'a expliqué maintes fois Vincent ici, tu es immédiatement, même en dehors de la charte de l'ONU, quoi, Ah oui, non, t'as mais immédiatement le monde c'est. entier sur le dos. Ah, mais il n'y a pas le problème. Ça, oui, mais ça, c'est pas un problème. Moi, je ne suis pas pour aller aux élections, je m'en fous. Mais je dis que les activistes devraient s'entendre là-dessus, quoi, sur le renversement du régime républicain. C'est absolument central. Il faut vraiment abattre la République d'une façon ou d'une autre. Elle doit être renversée. Oui, c'est. Tu vois, c'est stopper le grand remplacement, c'est une idée claire que tout le monde partage. Renverser le régime républicain, ça devrait être une idée aussi claire. D'accord? Alors après. Remplacer par quoi, comment, etc. Bien sûr, alors là, tu peux avoir des discussions sans fin, mais je veux dire, voilà, on en finit avec le régime républicain. Voilà, c'est terminé, ok, on a essayé, bon, non, c'est pas la peine, on arrête. Il faudrait que ce soit une idée vraiment très nette dans, les, dans, dans, dans l'esprit des, de l'opposition, quoi. Voilà. Même si c'est pareil, si t'as, t'as des gens à côté de toi, tu vois, c'est des gens comme Chouard qui veulent radicaliser la démocratie, tu vois. Mais au moins, il veut se débarrasser de la République. Parce que lui, il dit que c'est un régime représentatif, etc., illégitime, etc. Très bien, d'accord. Lui, il est sur une position, tu vois, qui va être de radicaliser la démocratie. Oui, d'accord. Mais conjoncturellement, il est au moins d'accord pour foutre en l'air la République. Et moi, ça me va. D'accord ? Et ça devrait aussi aller aux monarchistes, ça devrait aussi aller à des fascistes, etc. Donc, mais il faut qu'on soit d'accord de renverser la République française. C'est absolument central, dans mon esprit. On peut mettre un certain nombre de gens d'accord sur cet objectif. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, ça c'est sûr. Ah oui, c'est... Voilà, et ce qui va avec, hein, parce que quand tu renverses la République française, tu renverses ensuite tous les textes sacrés de la République française, n'est-ce pas ? C'est la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, c'est... tout ça, il faut foutre ça dans le caniveau, hein. C'est clair et précis, hein, je veux dire, la preuve, Victor Hugo, l'esplanade des droits de l'homme, je trouve ça extraordinaire, quoi, je veux dire, c'est une allégorie, ce truc, hein, je veux dire, vraiment, hein, c'est génial, quoi, hein, c'est génial, quoi. Et en plus, le plus cocasse, c'est que Victor Hugo était un raciste. Ah, ça, c'est fascinant, quoi. Victor Hugo est un raciste, hein, pour ceux qui l'ignorent, il n'y a pas de problème, hein, ces déclarations. Victor Hugo disait que l'Afrique n'a existé qu'à partir du moment où l'homme blanc l'a touché de sa main. Parce que c'était un désert. Un désert, enfin, c'est ce qui est vrai, quoi. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et c'est l'homme blanc qui a créé l'Afrique. Voilà. C'est... Bon. Ouais, Victor Hugo, auteur de gauche. Oui, oui, auteur de gauche. Mais auteur raciste de gauche. Voilà. C'est... Il y a des pages de Victor Hugo, hein, sur les nègres, c'est pas piqué des hannetons, hein. Attention à la réécriture des gauchistes de l'histoire. Hein. D'ailleurs les Africains le savent. Ils savent que Victor Hugo était raciste. Donc ils le dénoncent régulièrement, comme un auteur suprémaciste blanc. Ce qui emmerde énormément la gauche bourgeoise, qui elle, n'aime pas trop qu'on lui rappelle. Le climat général intellectuel du 19e siècle, qui était un climat raciste intégralement, peu importe les familles politiques. Ce que ça m'a inspiré, ce que tu as dit il y a quelques minutes, Gandalf, dans ce que cette histoire symbolise en termes de guerre raciale sous-jacente qui se prépare, ça m'a fait me rappeler un fait qui a eu lieu il y a à peu près 2 semaines, de Louis Boyard, qui a été... envoyé chez TPMP dans l'objectif de déboulonner l'émission, en fait. On aurait cru qu'il y a été en service commandé pour dézinguer TPMP, parce que TPMP donne la parole à 50% de temps de parole aux gens de droite. Et dans cet acte, je vois aussi un peu la même hystérique dans cette histoire, c'est-à-dire qu'il y a une fuite en avant de la gauche qui se débat pour continuer de pouvoir continuer leur saloperie de remplacement de population, en fait. Donc c'est ce que ça m'a inspiré, cette histoire, c'est-à-dire on voit la NUPES qui est en panique, qui sent qu'elle perd le terrain et elle fuit en avant. La NUPES, enfin, en fait, la gauche, quoi, radicalise à outrance, c'est évident sur tous les sujets, et ça n'arrête pas. Et en fait, ils veulent exploiter absolument tout. Donc, vous avez vu, il y a eu l'histoire de la corrida et de l'IVG, où ils ont mis ça sur la table. C'est-à-dire qu'ils ont fixé, ils réussissent quand même à faire des choses. C'est-à-dire qu'ils ont fixé l'agenda sur l'IVG. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un vote aux États-Unis, enfin, une décision de la Cour suprême aux États-Unis qui a rendu aux États américains, aux 50 États américains, le droit qui leur appartient normalement de fixer la législation sur l'avortement dans leur territoire respectif, dans leur juridiction pardon, respective. Point barre. Voilà. Donc il y a des États qui sont gouvernés par des majorités anti-avortement, d'autres pour, et donc ça permet mécaniquement à des États anti-avortement d'adopter des législations anti-avortement. Bon. Et c'est cette décision de la Cour suprême qui a généré la demande de la gauche française et de l'extrême gauche française d'une constitutionnalisation de la loi Veil, de la juive Veil, pour légaliser l'avortement en France. Il y a 220 000 à 230 000 avortements en France, ça fait plus de 2 millions 5 enfants qui sont éliminés tous les 10 ans en France. Cherchez pas plus loin votre hiver démographique. Okay, la France se dépeuple de blanc parce que les enfants sont tués. Pour le confort des pétasses. Voilà, c'est ça. Et la différence, on vous explique qu'on va la compenser avec de l'immigration du tiers-monde. Donc là, il faut être cohérent. Si vous êtes pour l'avortement, arrêtez de vous plaindre du grand remplacement. Si vous ne faites pas de gosses, vous serez grand remplacé. Voilà, la nature a horreur du vide. C'est aussi simple que ça. La gauche, sans aucune espèce de tabou, joue à fond la carte du grand remplacement. Donc, eux, ils sautent sur l'IVG, ils flattent en fait l'ego des pétasses qui sont incapables de gérer leur sexualité, qui passent d'une bite à une autre pour s'éclater, avec l'aide de tocards d'ailleurs, hein, je veux dire, il faut être deux quand même. Hein. Et ils y vont. Mais c'est une réaction à un truc américain. Donc déjà, l'univers mental de la NUPS, c'est les États-Unis d'Amérique, déjà, il faut le rappeler. Et là-dessus, malheureusement, le RN a embrayé. Ils n'ont pas défendu une position de défense de la natalité française. Voilà. Ils n'ont pas défendu une position de cohérente. Ils ont dit, voilà, on va pas polariser. Bon, les autres, ils polarisent à outrance, et c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il y a quand même une prime à celui qui prend l'initiative et polarise, l'air de rien. Parce que c'est vous qui créez le débat, c'est vous qui... Voilà, il y a des gens qui suivent, des gens qui suivent pas. Mais là, de fait, la NUPES a entraîné la totalité du Parlement français dans un mouvement de constitutionnalisation de l'avortement de masse à un moment critique pour la survie biologique de la population française autochtone historique, avec l'appui de l'extrême droite gouvernée par une idiote comme Marine Le Pen. Je veux dire, cette femme est une catastrophe politique. Vous voyez, c'est comme ça. Mais bon, donc les autres, ils jouent leur jeu, et Marine Le Pen s'efface. Donc si vous voulez, au bout d'un moment, il y a ceux qui tirent dans une direction, si vous n'êtes pas capable de tirer dans l'autre direction, c'est comme une corde, hein, c'est le jeu de la corde, hein. Il y a deux équipes, on tire, on voit qui c'est qui cède. Bah, ils tirent, hop, bah, sur l'avortement, qui est un truc crucial, ils ont gagné. Sur la corrida, ils ont perdu. Ouais, mais bon, c'est ce qu'a dit De Villiers. Moi, pour une fois, je suis d'accord avec De Villiers. Il a dit, bon, en gros, la vie d'un taurillon... Enfin, le débat avait été posé en ces termes. Hein, il fallait absolument sauver les taurillons. Mais De Villiers l'a posé. Il dit, bon, voilà, donc l'état des débats à l'Assemblée nationale française aujourd'hui, c'est de sauver la vie des taurillons et d'exécuter les embryons de jeunes Français à naître, quoi. Il dit, bon, face à un tel suicide collectif, l'histoire sera extrêmement sévère avec la France. Bah, il a bien raison. Parce que là, c'est la marche tout droit à l'abîme. Hein. Je suis désolé, hein. Faut arrêter de se payer de mots. Hein. Et c'est pas parce qu'il y a des connasses de féministes qui hurlent au coin des rues qu'il faut se calmer là-dessus. Hein. Je veux dire, voilà, hein. Il y a des gens qui veulent sauter des ponts, bah, qui sautent des ponts. Hein. C'est pas pour ça qu'ils sont obligés d'entraîner tout le monde avec eux. Hein. Voilà. Alors, je suis d'accord aussi sur un point. Et pour ma part, je tenais à parler de ça quand même aujourd'hui. Quand même, mais... Bon, législation ou pas législation, en dernière analyse, c'est un choix souverain, l'avortement. Donc si les gens comprennent les implications anthropologiques de l'avortement, ils feront des gosses. S'ils ne comprennent pas, bon bah ils continueront à faire n'importe quoi. Mais comme l'homme est stupide, court-termiste et il ne voit pas les implications, mais si vous n'avez pas de natalité, comment vous allez avoir des systèmes sociaux? Des systèmes de retraite, comment vous allez en avoir? Pas possible. Faut des cotisants, faut des gens pour payer des impôts, faut des gens pour travailler. Vous allez remplacer des ingénieurs français par des espèces de babouins qui viennent de Gambie ou de Guinée, mais vous dormez debout, vous êtes complètement fous, ça ne marchera jamais. Ils sont complètement marteaux, ils font n'importe quoi. C'est la démocratie, c'est ça la démocratie, c'est que Sandrine Rousseau a le droit de parler. Non, Sandrine Rousseau, sa place, c'est dans un camp de travail en Guyane. Voilà, c'est comme ça que ça devrait marcher. C'est pour ça que ce pays est devenu fou. Le dernier des cons qui flatte, les derniers des cons, il se fait élire et il peut fixer la ligne au Parlement. Mais vous vous rendez pas compte un système pareil? Comment ouais, mais c'est s'étonne, mais c'est bizarre, la France devient un zoo humain. Ça vous étonne? De passer du statut d'une des plus grandes puissances mondiales à un zoo humain? Non, moi ça m'étonne pas. Ça s'appelle la démocratie. Ouais. Allez vous demander pourquoi les Russes et les Chinois en veulent pas. Eh oui. Non mais t'as complètement raison, et puis d'ailleurs on voit bien, moi j'appellerais même ça de la lâcheté de la part de Le Pen qui a donné un soutien à la constitutionnalisation de l'IVG et qui après a retiré son vote en disant non mais j'ai pas voté. Et t'es là, tu te dis mais c'est pas possible d'être aussi lâche, il y a un moment, décide-toi en fait, c'est-à-dire soit tu dis oui, et comme tu l'as dit, oui je suis pour le fait que les femmes restent irresponsables par rapport à leur acte, et que la société dans son ensemble sombre dans un hiver civilisationnel plus que démographique hein, d'ailleurs, c'est la conséquence, hein. Enfin, c'est ta démographie, oui. elle est dans une phase hivernale, ta civilisation s'écroule avec, parce qu'il n'y a plus les piliers pour la soutenir. Ah bah oui, complètement d'accord. Tu sais, dans une des émissions lointaines, on avait parlé de comment il s'appelle cet auteur sur l'inégalité des races. Il y en a quelques-uns. Enfin, le premier qui avait écrit dessus, mais disons que on avait parlé de ça et Gobineau, justement tu veux dire Gobineau? Oui, exactement Gobineau. Et voilà, Gobineau c'est ce qu'il disait, une race est liée à la civilisation et tout le monde le comprend puisque on parle d'ethnie, mais qu'est-ce que c'est que l'ethnie si ce n'est la race mélangée à la culture? Donc voilà, c'est il faut en fait voilà, il faut réussir à relier les points et comme tu dis arrêter avec la vision court-termiste et essayer de voir un peu plus loin parce que voilà, quand on a le débat avec des gens qu'on connaît, les gens vont prendre leur propre cas. Ouais, mais si tu te rends compte, si j'ai un accident, j'aimerais bien pouvoir. Oui, mais prends conscience de ce qu'il y a derrière et puis même prends conscience que tu voilà, après c'est une question de comment on envisage la chose, mais faut prendre conscience de l'acte en lui-même. C'est-à-dire, c'est pas un acte anodin. Ils vont pas prendre conscience, c'est pas possible. Les masses ne sont pas régies par la raison. Ils vont voir ce que ça va coûter. C'est-à-dire qu'ils vont comprendre l'hiver démographique. Là, ils commencent à voir. Ils voient que les rues deviennent très brunes, hein, mais pas brunes parce que ça s'assombrit parce que l'Afrique est là. Jusque dans les hôpitaux, d'ailleurs, hein, les gens commencent à le voir. Mais ils font pas, parce qu'ils veulent pas interroger leurs mauvaises habitudes. Donc ils disent, je veux avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Donc je veux quand même mon avortement de confort, parce que c'est ça. Hein. Et je veux quand même ma sécurité publique. Donc j'ai pas trop envie d'immigrer. Mais bon, quand même, voilà. Bon. Non, tu peux pas jouer sur tous les tableaux et espérer gagner sur tous les tableaux, c'est pas comme ça que ça fonctionne, voilà. Et en fait, on va pas raisonner les gens, tu peux faire l'exercice, et ils vont pas marcher. Quand ils vont voir que les systèmes sociaux s'écroulent, là ils vont commencer à se dire, merde, il y a un problème. Qu'est-ce que je fais? Comment on fait? Parce que c'est ça, c'est du jour au lendemain, en fait... Il n'y a plus les transferts publics, si tu veux. Tu n'as plus le pognon que l'État... parle tous ces cours à transmission, mais ça ne tombe plus. Merde, qu'est-ce qu'on fait? Retraite, on oublie. Hein, j'ai plus de retraite, mais comment je vais faire? Moi, j'explique... Et ceux qui nous écoutent doivent le savoir. Vous n'aurez pas de retraite. Vous aurez zéro retraite, d'accord? L'État ne paiera pas vos retraites. Vous n'aurez pas de retraite. Vous n'aurez pas d'argent quand vous serez si vous arrivez à atteindre l'âge de 70 ans, parce que ce n'est pas gagné d'avance, si vous atteignez l'âge de 70 ou 75 ans, vous n'aurez pas de fric qui sera donné par l'État. Oubliez ça tout de suite. Alors, vous allez me dire, mais comment on fait? Mais justement, vous retombez sur les mécanismes qui étaient en place depuis millénaires, c'est-à-dire que votre retraite, c'est votre descendance, c'est vos enfants, c'est ceux qui, parce qu'ils vous aiment, et que vous les aurez aimés, et que vous leur aurez offert un cadre de développement, vous aideront quand vous serez âgé, dans votre grand âge. Voyez ? Ce qu'on voyait jadis dans les campagnes, hein, il y avait le vieux dans les maisons. Il y avait le vieux, toujours le vieux, près du feu. Pourquoi on gardait le vieux ? Mais c'était le vieux ! Parce qu'il n'a pas toujours été vieux. Ça a été à un moment donné le patriarche, quoi. Voilà. Donc on le protège, c'est normal. Vous voyez, il y avait cette solidarité intergénérationnelle. Mais comme on a externalisé avec les systèmes sociaux, où l'État est devenu un petit peu la bourse commune, et qu'on n'a pas mis les responsabilités face à ça, ben, tu peux faire 4 gosses ou tu peux ne pas en faire. T'as quand même la même retraite. Ah ouais, mais tu fournis pas la même chose au système par répartition. Donc, tu peux te la couler douce, pas faire de gosses. Ouais, moi les gosses, ça me fait chier, j'ai pas envie d'en... Ok, d'accord, ok, t'en fais pas. Par contre, tu vas aller voir quand tu as l'âge de la retraite. Ah ouais, moi je veux ma retraite complète. Hein. J'ai cotisé, hein. Ouais, mais monsieur, vous avez cotisé, d'accord. Vous avez cotisé, mais rapporté à la masse, vous n'avez pas fait de gosses. Donc, le nombre d'actifs que vous avez produits biologiquement, c'est zéro. Donc, on est déficitaire avec vous, monsieur. Alors, comment on fait ? Eh ben, on fait pas. Désolé, monsieur. Voilà, voilà, voilà. Alors, ça va pas être théorisé, hein. Ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura plus de système de retraite. Les gens qui auront 3 ou 4 gosses, ben, ils leur diront « Vous voulez pas me filer un coup de main à la fin du mois ?» Les gosses, ils diront « D'accord. » Ou pas, ça dépendra des rapports, mais voilà. Et c'est là que vous en faites plus. Parce que vous faites 4 gosses ou 5 gosses, parce que vous ne savez pas si vous allez en perdre un ou deux, malheureusement, c'est pas ce qu'on souhaite, bien sûr, mais ça peut arriver. Et donc, c'est un pari, quoi. Et vous dites, bah voilà, sur les 3 gosses qui vont me rester, il y en a peut-être un avec lequel je serai en froid, et 2 qui me fileront un coup de main. Voilà. C'est ce qu'on a fait depuis toujours. Et les gens croient que ce qu'on a hérité depuis la Deuxième Guerre mondiale, le système social, ça va durer éternellement. Les gens, dans leur tête, c'est garanti. Dans leur tête, ils réfléchissent comme ça. Ils payent leur impôt à la fin du mois, ils disent, voilà, moi je paye mes impôts, j'ai le droit à ça. Ben, t'as le droit, mais les politiciens, ils ont fait n'importe quoi avec ton fric, mon ami. Donc qu'est-ce qui va rester de ton pognon qu'ils ont cramé ? Absolument rien. Vous imaginez un homme politique de premier plan qui passerait comme ça à la télévision française et qui leur dirait exactement ce que je viens de vous dire ? Ça serait la panique en France. Donc, les faits sont là, vous allez voir un banquier, vous lui dites, c'est exactement ce que je lui dis, le mec il va regarder et vous dire, ah monsieur, vous avez compris un peu plus de choses que la moyenne des Français. C'est exactement ce qu'on va vous dire. Mais comme il n'y a aucun responsable de premier plan qui le dit, la panique n'est pas là. Les gens ne paniquent pas. Et pourtant, quand ça va arriver, et ça va arriver, la panique va se répandre et les gens vont se dire, merde, je fais quoi ? Et il n'y a pas de plan B. C'est comme ça que les gens vont faire des gosses. C'est comme ça qu'ils vont réapprendre à aimer leurs gamins. Enfin, à avoir des gosses. Et là, tous les plans carrière des pétasses et tout, laissez tomber. Ça, c'est, on oublie, on met ça aux orties. Hein. Instagrammeuse et tout, ça vaudra rien. Hein. Ça vaudra que dalle. Hein. Personne voudra. Et c'est là que la valeur des femmes, en plus, remonte. Oui, parce que ce qu'on va voir à travers une femme, c'est la mère. Pas la pouffe. La mère. Donc, les gens voudront des mères. Vous voyez ? Parce que dans la logique de l'évolution, ils voudront avoir des gamins, donc ils voudront une nana qui soit solide, donc ils voudront une mère, ils voudront pas une pute. Ah, c'est pas pareil, hein ? Eh ben voilà. Mais ça, on peut faire le tour de la France, faire des réunions publiques là-dessus, etc. On prendra des sauts de tomates pourries. Donc c'est pas la peine. Il faut que les gens y dérouillent avant de comprendre. Tant qu'ils dérouillent pas, la souffrance, c'est la meilleure éducatrice. C'est la meilleure éducatrice. On comprend en souffrant. Sans souffrance, on comprend rien. Donc c'est ça qui va se passer. Voilà. C'est dur, mais c'est vrai. Et voilà. Et donc c'est pas le féminisme sera pas du tout détruit parce que des mecs de droite auront été gueulés sur tous les toits qu'il faut enfuir. Non, c'est juste que les gens vont biologiquement, anthropologiquement, pour les raisons de survie, voilà. Et comme on fait pas de gosses, les autres en font des masses parce que les musulmans ils en font un bloc. Hein. Ça va pas être marrant. Hein. Ça va pas être marrant. Hein. Donc c'est vous allez voir, hein. Et penchez-vous ça, et j'en termine parce que je parle beaucoup trop, l'histoire du Québec, toute petite population francophone, eh ben les mecs, ils voulaient survivre face aux Anglais, ils ont fait des gosses comme des malades, et ils ont donné le Québec actuel. Alors ils sont embourgeoisés, aujourd'hui, ils ont arrêté de faire des gosses, ils vont d'ailleurs même plus dans leurs églises, qu'est-ce qui se passe ? Ils se font repeupler par des nègres et des bicots. Pourquoi aller chercher à l'autre bout du monde ou dans des théories compliquées, ce qui est évident? Tu fais pas de gosse, la nature a horreur du vide, tu te feras remplacer, mon ami. C'est aussi simple que ça. Cherche pas midi à 14h. Voilà, c'est pas une question de théorie ou de vote ou d'élection, de quoi que ce soit. Ça, c'est des conneries, c'est pour les feignants, ça. Il n'y a pas de révolution au bout d'une élection, ça n'existe pas. Voilà, la révolution, c'est dans le peuple. C'est une prise de... Au Québec, pardon. Au Québec, je crois que ce qui s'est passé en plus, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un référendum sur l'immigration. Et au préalable, ils se sont empressés de faire rentrer un maximum d'étrangers pour que... Sur l'indépendance. Ah, c'est l'indépendance. Oui, bon, enfin, c'est un peu le même... Oui, c'est la... enfin, c'est les mêmes conséquences, ouais. C'est le même logique. C'est-à-dire que... Voilà, et donc, et c'est un peu ce qu'on vit en ce moment en France. Ils s'empressent de remplir, et puis ensuite, ben, on sera minoritaire pour décider de... qui est français ou pas. C'est de l'ingénierie sociale, c'est ce que fait Biden. Il a fait rentrer des millions de mecs. Le Parti démocrate, c'est ce qu'ils font. Et c'est ce que fait le Parti, c'est ce qu'a fait le Parti socialiste pendant des années en France. Pourquoi ils ont fait rentrer tous ces étrangers? C'est, vous avez qu'à vous référer au guide, d'Amazon pour la masse salariale. C'est écrit noir sur blanc dans le guide. Il faut diversifier à outrance la main d'œuvre pour empêcher que se forment des syndicats dans l'entreprise. Et c'est eux-mêmes qui divisent les gens. C'est-à-dire que, vous savez, ils font rentrer des gens de toutes les races, mais ensuite, ils excitent les différences sexuelles, etc. Donc là, ils créent leur catégorie LGBT, tous ces trucs-là. Et en fait, ils jouent les uns contre les autres. Ok ? C'est écrit noir sur blanc dans la stratégie d'Amazon, en interne. Parce qu'aux États-Unis, c'est pas comme en France, ça fonctionne un peu différemment. Ils peuvent carrément empêcher la formation de syndicats au sein de l'entreprise. Et ils ont dit, voilà, il nous faut des latinos, des noirs, des asiatiques, tout ce qu'on veut, des travelots, des trucs. Et, voilà. Et c'était les consignes qui sont données au cadre de l'entreprise. On dit, les gars, vous devez recruter des gens comme ça. Il faut absolument empêcher qu'il y ait un sentiment commun d'appartenance qui se forge. Voilà, c'est comme ça qu'ils détruisent le peuple. Voilà, c'est pour ça que vous voyez des consignes qui sont données. Voilà, la promotion agressive par l'hypercapitalisme de l'extrême gauche dite wokiste. Non, c'est Yalta. Voilà, il y a le père Staline et à côté il y a Roosevelt. C'est les mêmes. Voilà, le communisme et le capitalisme main dans la main. C'est toujours été comme ça. Voilà. On ne peut pas chercher midi à 14h. Hein. Mais c'est vrai, hein, je veux dire. Donc, ce que tu dis au Québec, c'est absolument vrai. Référendum sur l'indépendance. Ils ont fait rentrer un max d'immigrés. Ils n'ont pas arrêté depuis. C'est en train de se ravager le Québec. Hein. Montréal, je crois que c'est complètement saccagé. Il y a des Noirs de plus en plus partout. Voilà, enfin, c'est comme ça qu'ils détruisent des nations, d'accord? Parce que les blocs homogènes, c'est des blocs qui sont... C'est l'empathie sur les valeurs collectives. Hein. Donc, on partage les mêmes choses, donc on s'identifie mutuellement aux mêmes causes, et donc on se met en mouvement ensemble. Voilà, bon, bah, comment faire pour éviter des fronts communs comme ça? On les divise. Truc classique. Voilà, c'est de la méthodologie, c'est de l'ingénierie sociale. Ils savent exactement ce qu'ils font. Exactement ce qu'ils font. Voilà. Ouais, dans ce contexte d'ingénierie sociale, je note aussi que la figure de proue du mouvement pro-IVG qu'on voit à l'Assemblée nationale, c'est encore une blanche blonde aux yeux bleus. Donc on est toujours un peu dans la même logique. Attention à ça, parce que, désolé de te couper, mais c'est pas simplement de la manipulation, quoi. Il y a vraiment une pulsion de mort qui traverse la population blanche, de toute façon, dans le monde occidental. Et les factions de gauche, c'est... En fait, voilà, il y a deux pulsions, okay. Il y a la pulsion de vie, la pulsion de mort. Très simple, c'est clair. La gauche, c'est la pulsion de mort. La droite, schématiquement, c'est la pulsion de vie. Personnellement, je ne me défie pas comme quelqu'un de droite particulièrement, mais schématiquement, c'est ce que ça donne. L'extrême gauche, c'est l'extrême pulsion de mort qui encourage tous les réflexes qui vous emmènent vers la mort biologique. La droite, ou ce qu'on appelle l'extrême droite, c'est tout ce qui va cultiver les réflexes de vie, l'instinct de survie, de perpétuation du socle biologique. C'est très simple à comprendre. Donc, sur le cas de l'océan Viking, bah, voilà, le RN va vous dire, Grégoire de Fournaz va vous dire, on stoppe l'invasion, on protège nos frontières, c'est-à-dire on protège biologiquement notre territoire. L'extrême gauche va vous dire, non, submersion totale. IVG, Bon, bah là, bon, Marine Le Pen, j'ai pas besoin de revenir, mais bon, grosso modo, les radicaux sont à l'extrême gauche, et là, tu vois la grosse. Je pense que c'est la panneau, en l'occurrence, elle est très contente de faire tuer des gosses blancs. Bon, voilà, bon. C'est schématiquement, il y a une vraie pulsion de mort qui traverse la population occidentale, qui va. C'est un peu comme la peste noire, en gros, mais auto-infligée. Ça va écrémer, et tous ceux qui doivent crever vont crever. Et ceux qui vont rester seront plus forts, à mon sens, à mon avis. C'est un gros test. C'est ça, ils seront plus forts, et en plus de ça, après la peste noire, il y a eu des gros progrès sociaux pour ceux qui sont restés, justement, parce que une bonne partie était disparue. Donc il y a bien à espérer après cette crise. Ça va être violent quand même, hein. Attention, hein. Ça va pas être un parcours de rose, hein. Ça va être vraiment violent. Hein. Parce que ça a des conséquences, tout ça. Quand les gars, ils vous ouvrent les frontières de l'immigration du tiers-monde, et que par ailleurs, ils sont en train d'exécuter des gamins à naître par centaines de milliers chaque année, faites le calcul. En 10 ans, vous prenez l'équivalent des pères de 14-18 en France. Ça va vite, hein. Et pas sur les vieilles générations, hein. Sur des gamins à naître. Hein. Donc là, vous mettez des coups dans le socle biologique français extraordinairement violent. Ah, l'histoire sera impitoyable avec ce qui se passe. Vraiment. De Villiers a vraiment trouvé les mots. Hein. Parce que c'est pas durable, c'est pas viable, c'est pas stable. Comme toute pulsion de mort. Okay. Donc les survivants, eux, qui auront passé à travers, croyez-moi bien qu'ils vont regarder ça. Et tous ceux qui défilent sur les plateaux de télévision aujourd'hui, ou toutes les fausses gloires juives qu'on nous impose, les bas d'inter et toute cette vieille youpinerie, là, tout, ça va être enterré aussi vite que ça a surgi. Les gens ont tendance à croire que ce dont on nous abreuve va durer toujours. Vous savez, ça va durer 200 ans, 300 ans, 400 ans. Parce qu'on juge tout à l'aune de sa propre vie et de son espérance de vie, vous savez. Donc on a l'impression que le monde va s'arrêter quand on va mourir, si on a de la chance, à 80 ans. Quoi. Rien n'est plus faux. Rien n'est plus faux. Les cycles de vie des nations, des peuples sont beaucoup plus longs que ça. Nous, on est presque que des passagers temporaires, quoi. Tu vois, on fait du stop, on monte dans la bagnole, on descend, la voiture, elle continue son chemin, tu vois. C'est, en gros, c'est ça, quoi. Préparez-vous pour ce qu'on vient de dire. Ah oui, préparez-vous, hein, préparez-vous. Il faudra un peu plus que quelques boîtes de cassoulet, hein, pour tenir, quand même. Hein. Ça. Pareillement, instruisez-vous et faites des provisions pour s'y préparer. À la semaine prochaine, les amis. À la semaine prochaine.